aquagym, accès à l'espace marin, ça va être super. Hammam, sauna, salle de fitness. Bref, vous nous enverrez des photos en pensant à nous. Bravo, Steven. C'est le week-end. Ce week-end, donc, on va en profiter à l'écoute d'RTL. Et nous, on se retrouve lundi pour parler de ceux qui ont choisi de travailler en famille. Parce qu'on se marie, après on fait des enfants et puis parfois tout le monde bosse ensemble. Et bien, on verra si c'est une bonne ou une mauvaise idée. Tout de suite, voici Laurent Ruquier qui un jour a demandé en mariage toutes ses grosses têtes. Voilà, c'est nouveau, c'est inédit. C'est sur RTL, je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. RTL, il est 16h. Place à l'information avec vous, Céline Landreau. Céline. L'Europe chamboulée après la demande de divorce britannique. À près de 52%, les électeurs du Royaume-Uni ont demandé à sortir de l'Union européenne. Conséquence immédiate, la démission a annoncé pour l'automne du Premier ministre David Cameron. Dans les autres capitales, on tente de réagir et de parer les conséquences diplomatiques et économiques du Brexit. François Hollande a convoqué à l'Élysée cet après-midi un conseil des ministres extraordinaire qui doit s'ouvrir d'une minute à l'autre, Olivier Bost. Effectivement, c'est un conseil des ministres extraordinaire. Le dernier, c'était pour le 49-3, pour déclencher le 49-3 de la loi travail. Ça remonte donc un tout petit peu. Et là, d'un instant à l'autre, il s'agira plus d'un moment symbolique, puisqu'a priori, il n'y aura pas de décision formelle. François Hollande va surtout expliquer à tout le gouvernement ce qu'il veut pour l'Europe, la réaction nécessaire à la sortie de la Grande-Bretagne. Il l'a dit tout à l'heure, hein, ici à l'Élysée, l'Europe doit être comprise et contrôlée par les citoyens. En un mot, plus démocratique, c'est ça la réaction au Brexit. Et pour défendre cette évolution et après le choc de ce matin, eh bien François Hollande recevra également les grandes formations politiques du pays. Ça sera demain. Et avant cela, ce soir, toujours à l'Élysée, il recevra les présidents des deux assemblées, de l'Assemblée nationale et du Sénat, Claude Bartolone et Gérard Larcher. Merci Olivier Bost en direct de l'Élysée. Pour RTL, vous le disiez, le chef de l'État va recevoir cet après-midi les responsables politiques des grandes formations représentées au Parlement français et européen, parmi elles donc le Front National, qui réclame déjà aujourd'hui un référendum similaire en France. Nicolas Sarkozy, le patron du Parti Les Républicains, réclame pour sa part un nouveau traité européen prévoyant notamment le rétablissement des contrôles à la frontière. Ce Brexit a en tout cas déjà provoqué un vendredi noir sur les places boursières européennes. À Paris, le CAC 40 perd près de 7%. Wall Street a également chuté à l'ouverture, mais sans plonger. Moins 2,5% pour le Dow Jones, moins 2,88% pour le Nasdaq. Fabienne Cabou, condamnée à 20 ans de prison ferme par les assises du Pas-de-Calais, jugée coupable d'infanticide. En 2013, elle avait abandonné sa fillette de 15 mois sur une plage de Berck-sur-Mer alors que la marée montait. Un mot du temps, nouvelle dégradation orageuse ce soir. 31 départements sont placés en vigilance orange, des orages localement forts du sud-ouest au nord-est. Le temps sera plus calme demain sur l'ouest avec de belles éclaircies dans l'après-midi. Très ensoleillé même sur les plages de l'Atlantique et en Méditerranée. Les températures comptez entre 11 et 22 degrés demain matin, de 18 à 33 l'après-midi de Brest à Marseille. Il fera 20 degrés à Paris. Les courses maintenant à Deauville avant le quintet de ce soir à Vincennes. Et c'est avec vous Dominique Cordier. Oui, un quintet qui aura lieu à 19h47 très précisément dans la troisième, pas d'abstention. La victoire pour le 3, Interlocuteur, 3,30€, 1,60€. Deuxième, Last Lawson, 1,80€. Troisième, le 10, That Which Is Not, 1,90€. C'est le 11, Melody Nelson à 9,1€ qui prend la quatrième place. Pas d'abstention non plus dans la quatrième. La victoire pour Last, La Valkyrie, 7,80€, 2,10€. Deuxième, le 5, La Courbette, 2,40€. Troisième, le 2, Le Pain, 1,70€. La suite des courses est à 17h. Merci Dominique Cordier. À tout à l'heure, 16h03 sur RTL. C'est le moment de votre rendez-vous quotidien avec les grosses têtes et Laurent Ruquier. RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui court tous les jours pour avoir la fesse ferme et plaire ainsi aux agriculteurs, Karine Le Marchand. Une grosse tête qui a fait une carrière politique avant de venir aux grosses têtes, autant dire qu'elle n'a jamais eu peur d'entendre des conneries, Roselyne Bachelot. Une grosse tête dont on peut dire, si ce n'est lui, c'est donc son frère, Igor Bogdanov. Une grosse tête dont les connaissances en astronomie se limitent au générique de Goldorak, Albator et Capitaine Flamme, Christophe Beaugrand. Bonjour. C'est un peu vrai. Une grosse tête dont la présence sauve des carnets de chèques entiers à RTL, Florian Gazan. Bonjour. Et enfin, une grosse tête que seul Pinocchio a dépassé en termes de gueule de bois, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Non mais c'est mignon. C'est mignon. C'est mignon, moi je trouve que c'est mignon. Tout ce que je dis est vrai en fait. Hein. On a l'impression que je plaisante, que je rigole, que j'envoie des vannes, mais tout est vrai. Vous-même par exemple, Beaugrand, vous connaissez par cœur les génériques de Capitaine Flamme, Albator ou Goldorak. Exactement. Goldorak par exemple. Ah ça y est, vous cherchez. Il y en a eu plusieurs, mais j'aime bien le Goldorak Go, rétro laser en action. Goldorak Go, tu vas accomplir ta mission l'infini des galaxies pour suite à lutte infernale. Mais c'est pas bien comme ça. Mais pas le faire façon Carla Bruni plutôt. Alors je te fais Capitaine Flamme, Carla Bruni. Ah d'accord, alors. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Sarkozy. Il chante pas, c'est faux. Vous allez bien, Igor, vous êtes Igor, vous, hein? Mais je sais pas. Nous non plus. J'en déduis que vous êtes Igor, parce qu'hier, on avait Grishka. Oui, tout à fait. Vous êtes forcément Igor. Forcément, forcément. Ça nous est jamais arrivé d'ailleurs. Lui, il se coiffe le matin. Il se coiffe le matin, Grishka. Quand il vient. Tandis que vous, dites donc Igor. Ah, ben oui. On dirait un dessous de bras. C'est oh, les miens, hein. Je crois qu'il y a Grishka qui a lâché une caisse dans les cheveux d'Igor. Oh non. Mais c'est élégant, ça. On le reconnaît facilement. Enfin, Gazan. On connaît pas. Non, mais on dirait un pétard. Il s'appelle Gazan. Hein. Pendant que Karine Le Marchand, elle, il faut le dire, est en train de tirer sur sa robe parce qu'elle s'est aperçue que les jeunes au premier rang étaient en train de mater grave. C'est vrai qu'il y a un peu dégueulasse. Il y a deux gamins là, mais alors ils n'en perdent pas une. Je raconte pas. Ils sont venus pour la journée du show. Et j'aime bien parce qu'ils disent oui. Il y a des tenues qui sont jolies. Il y a deux petits ados là, mais alors je peux te dire que ils vont s'en souvenir. L'amour est dans le pantalon. Ils sont en train de chercher l'aiguille dans la botte de foin. Mais vous êtes cons parce que moi non plus, je peux plus avoir le jeton maintenant. Alors j'ai mis ma veste en jean sur mes. Non mais Karine, c'est vrai que vous êtes habillée trop courte. On a des jeunes qui viennent dans l'émission quand comme même. Comment disait mes dernières années, écoutez, si je fais plus bander maintenant. Mais quoi? Mais ça peut durer plus longtemps. Oh non, il y a un âge où c'est non. Dis Roselyne en décroisant les jambes. Ah non, mais les deux petits jeunes, je les ai vus, mais ils étaient là en train de vous mater. Vous allez refermer vos braguettes et les mains sur les genoux. C'est déjà parti sur Snapchat, hein, je veux te dire. Non, mais c'est l'âge auquel tu repères ça tout de suite. Ouais. En plus, il fait chaud en ce moment, là. Il y a une montée. Oui, puis c'est l'âge de leur mère, en plus, c'est plus excitant encore. Ah oui, mais ça marche bien, il paraît. La maman de ses copines, la MILF, ça excite bien, ça. C'est important. Et dans les lycées, maintenant, ils élisent des MILF. Ah bon? Ah oui. Oui, moi, j'étais la meilleure MILF de l'école de ma fille. C'est pas vrai. C'est vrai? Ouais. C'est énorme. Mais bien sûr. Ah, génial. Mais vous pouvez tenter GMILF, hein, peut-être, Roselyne. Oui, bah, ça va. GMILF. Je crois qu'il est temps de passer. Vous serez d'accord, Roselyne, à une première citation. Pour M. Sébastien Favreau, qui habite Saint-Pierre-de-Chignac. C'est dans la Dordogne, en Dordogne. Ah ouais. Qui a dit « Le mariage n'est pas la fin des relations sexuelles, c'est juste la fin des relations sexuelles avec votre femme. » C'est rigolo. C'est drôle. Bon, c'est un homme, forcément. C'est un homme, oui. C'est récent. C'est français, c'est récent. Vivant. Vivant, hélas, mort, on l'aimait bien. Sacha Guitry. Non, on a Coluche. Vous avez travaillé avec Sacha Guitry, vous? Non, mais vous n'aviez pas fini votre phrase. On a travaillé avec lui. Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Martial Leroux, qui habite Châtillon dans les Hauts-de-Seine, qui a dit « Demander à un amant d'être discret, c'est demander à un coq de ne pas chanter au lever du soleil. » Ça, c'est mort. Ah, ça, c'est mort, oui. C'est mort et c'est rural. Ah, c'est rural. Non, mais c'est assez juste, hein, quand même. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça, Karine? Ah, bah, c'est notre drame, hein, vous et moi. Ah, c'est vrai, on se vante toujours des... Non, les autres se vantent d'avoir couché avec nous. Eh bien, oui, évidemment. Oui. Pourquoi vous dites vous et moi? Il y a des gens qui se sont vantés d'avoir couché avec moi auprès de vous? Oui. Ah bon, qui vous a raconté ça? Moi aussi. C'est ce qu'on appelle des starfuckers. Remarquez, moi aussi. Et il y en a ici. Mais qui vous a dit que j'avais couché avec elle ou lui? Non. Mort, français, qu'est-ce que c'est? Sacha Guitry. Non, mais c'est vrai qu'on se vante. Faut pas écouter les gens parce que parfois ils racontent des trucs qui sont pas vrais. Souvent. Moi, combien de gens m'ont dit, oh, ben moi, tu sais, Bachelot, je la connais bien, je l'ai pratiqué. Bon, bah. Non. Et puis c'est pas vrai, Roselyne. Évidemment. Raymond Barr m'avait raconté oui, ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Enfin, le Grand 8, c'est pas qu'une émission, apparemment. Demander à un amant d'être discret, c'est demander à un coq de ne pas chanter au lever du soleil. Alors, donc on a dit français. Mort. C'est une femme, évidemment, qui a dit ça. Ah, c'est mort. Une femme. Et oui. Une femme écrivaine. Une femme écrivaine, elle a écrit, mais elle n'était pas écrivaine. Elle était. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Laurent Ruquier. Beach Party, le volume 2 de la compilation des années 60. George Wang. Beach Party, la plage, le soleil, le surf, les palmiers, les voitures, les vacances, comme en Californie dans les good old 60s. Revivez l'ambiance de l'émission Beach Party sur RTL dans le luxueux coffret Beach Party volume 2, 4 CD, 116 titres. Le meilleur des années 60, programmé par la voix légendaire des nuits sur RTL. Carrefour Market fête ses clients. Ce week-end, c'est mon tour d'organiser une fête. J'ai invité des copains pour le match des Bleus. Ça tombe bien, Michel. Market fête ses clients avec des promos imbattables. Jusqu'à demain, la basse-côte 2 étoiles origine France est à 6,70€ le kilo. Je vais faire des grillades avec une bonne sauce au bleu. Vous allez marquer des points, Michel. Oh, bah, j'espère que je ne serai pas la seule à marquer. Hein. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Viande bovine, basse-côte 2 étoiles à griller, le plateau de 4 pièces minimum. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. RTL 16h-18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Une question pour Monsieur Marc Rousseau qui habite Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je suis très curieux que parce que Roselyne Bachelot vient de mélanger son thé avec sa branche de lunettes. Ça étrange. Ce qui est bizarre méthode. Par contre, c'est qu'elle a une cuillère dans l'œil. Hein. Ça va plus du tout, Roselyne. On m'a pas donné de cuillère. Vous voulez que je touille avec quelque chose. Non, mais c'est normal que vous avez deux branches, ça vous fera une paire de touilles. Oh, oh là, bravo. Non, mais on touille pas avec ses lunettes, Roselyne. Si, voilà. Vous avez bien des doigts quand même. Je suis on touille pas avec ses doigts. Vous pensez que non. Bah si, vous pourriez touiller avec votre doigt. Je suis un esprit révolutionnaire, c'est pour ça. Ah, ouais, elle touille avec ses doigts, mais pas le thé. Voilà. Moi qui en plus avais prévu une première question poétique, je n'ose même pas la poser. Oui, allez. Pour Monsieur Marc Rousseau, qui habite Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, la question concerne Martine. Pas Martine Aubry. Martine hein, à la plage. Les aventures de Martine, car dans le Figaro Magazine, on nous annonce la sortie d'un coffret vintage. Et oui, ça fait quand même 62 ans que les enfants lisent les aventures de Martine. Oui. Et là, il y a un joli coffret qui vient de sortir avec 8 albums au dessin et au texte d'origine. Oh. Pour 24,90€, vous aurez Martine à la ferme, Martine à la mer, Martine à la foire, Martine à la montagne, Martine à l'école. Martine a perdu son stérilet. Martine fait le djihad, le dernier. Martine fait le trottoir. Mais comment s'appelle le chien de Martine? Ah oui, je le vois. Carolus. Non. Bobby. Bobby, non. Il a un prénom qui pourrait être celui d'un... Il n'a pas un prénom. Un chien n'a pas de prénom, madame. Oh, il a un nom qui pourrait être un prénom. Un nom qui pourrait être un prénom, non. Est-ce que c'est ta consonance américaine? Du tout. C'est Médor. La répétition de deux syllabes, d'une syllabe? Pas du tout. C'est pas genre... Médor. Médor, c'est non. C'est pas genre ficelle ou un truc comme ça? Du tout. Capucin, un truc comme Capucin, ça. Capucin, non. Est-ce que c'est lié à la forme du chien? Genre saucisse, si c'était un petit équel. Je n'ai pas lu assez Martine pour pouvoir vous répondre. Mais renseignez-vous. Toujours est-il. c'est un nom habituel de chien. Toujours est-il que c'est. Alors, de chien, non. J'ai pas entendu beaucoup de chiens s'appeler ainsi. Il s'appelle Foulcan. Non. Parce que viens ici, Foulcan. Non, ça c'est le chien de Funès. Est-ce que c'est un nom commun? Ni vu ni connu. Oui. C'est un nom commun, ça veut dire quelque chose? C'est en tout cas un surnom qu'on donne parfois aux gens. Quand on le donne à quelqu'un, c'est plutôt. Moqueur. Péjoratif, le mot est un peu fort. Genre feignasse, quoi. Un peu moqueur tout de même. Ah. Mais ça ne veut rien dire. C'est un surnom. Non, mais ça n'est pas un nom commun qui existe. Non, ce n'est pas un nom commun, c'est un petit nom qu'on donne, un surnom qu'on chouchou. Donne. Chouchou, non. Trouduc. Oh. Coucouille. Vous-même. Non, mais c'est curieux parce que tout le monde a lu Martine, j'imagine. Oui, enfin, pas les garçons, mais les filles, vous, Karine Lemarchand et Roselyne Bachelot. Non, j'ai pas lu si, Martine. J'ai lu. Vous n'avez pas lu Martine? Ça n'existait pas. Lu Martine. Martine et les 35 heures. Non, mais merci, Christophe, vraiment. Martine et les 35 heures, n'est pas lu ça. C'est presque aussi bien que Roselyne et les vaccins. Alors attendez. Oh non. On avait dit pas ça. On a un. Pardon, Roselyne. Vous avez le droit de le gifler. Pardon, Roselyne. Donnez-lui une grosse balle. C'est très con. Mais alors, pourquoi le chien, il a été piqué à la fin? À propos des vaccins. Non, il a disparu dans Martine à manger chinois. Le chien. Quelle horreur. Alors attendez, le petit nom qu'on donne à ces gens qui est un peu péjoratif, est-ce que ça fait référence par exemple à un trait de caractère, genre feignant et tout ça? Ah non, feignant, non. Le chat, je peux vous donner comment s'appelle le... Parce qu'elle a un chat aussi, Martine. Ouais. Le chat de Martine s'appelle Moustache, vous voyez. Moustache. Oh bah là, c'est facile. Poil du cul. Ouf. Non, le chien s'appelle pas Poil du cul. Est-ce que c'est en référence à une caractéristique physique, genre mollasson ou... Ah, on se rapproche, mollasson. Ah. Mou du genou. Mou du genou, non. Non, ça c'est Hollande. C'est marrant, vous connaissiez pas le nom du chien de Martine. Mollasson, on se rapproche. Pas la peine d'aller sur les autres planètes, Bogdanov, pour pas connaître le nom du chien de Martine. Mais oui, c'est incroyable. Non, mais feignasse, un truc comme ça. Ah, on l'a déjà dit. Feignasse. Non, on avait dit feignant. C'est alors ça. Flemmard. Non, c'est pas tout à fait flemmard. C'est pas tout à fait paresse. Cossard. Cossard, non. Ça a à voir avec la paresse, alors? Pas avec la paresse, mais avec la pleutrerie. Est-ce qu'il dort tout le temps? C'est pas un truc comme ça? Il y a un peu de ça aussi, mais pas tout à fait. Corse. Tsetse. Non. Mais ça fait référence au fait qu'il est quoi? Qu'il est pas très vif. Il y a un peu de ça, oui. Il y a un peu de ça, exact. Ronron. Ronron, non. Oh là là, je trouve pas. Oh, mon Dieu. 30 secondes, on va déjà donner un chèque de 300 euros à monsieur Rousseau. Tout ça à cause du chien de Martine. Et pourtant, vous avez certainement vu ce chien, peut-être dans... J'ai quand même donné quelques noms des différents... Pépère? Non, Pépère, hein, on se rapproche. Patapouf. Patapouf. Ah, oui. Bonne réponse. Bravo. Bim. À 3 secondes près, à 3 secondes des 300 euros. C'est vrai. Patapouf. Alors, est-ce que vous croyez que c'est après qu'on a appelé les gens Patapouf ou que le chien s'appelle Patapouf? Ah non, parce que Patapouf existait avant. Parce qu'on appelait les gens. Ah oui? Oh, je pense, oui. Patapouf, le gros chien Patapouf, de Martine. Patapouf, c'est vrai. Pas mal. Ah, c'est pas mal, hein. C'est comme quand on parle de Nabila, on dit c'est Patapouf. Ah, elle est bien, celle-là. Aussi. C'est pas mal. C'est pas mal, hein. C'est bien. C'est Patapouf, c'est la mienne. Non, voilà, exactement. Exactement. Alors, en tout cas, c'est vrai qu'il y a de nombreuses Martines, hein. Il faut quand même rappeler les différentes Martines en activité. Martine à la montagne, Martine à la mer, Martine... Vous les voulez ou pas? Mais est-ce qu'il y a des nouveaux exemplaires de Martine en ce moment? Martine sur Internet? Oui, Martine aux Hespérides. Non, mais il y a des Martines Martine dont j'ignorais l'existence. Bon, Martine apprend à nager, ça c'est logique. Ouais. Mais par exemple, Martine et les marmitons, ça c'est assez curieux. Martine en montgolfière, faut quand même déjà y avoir de l'imagination pour la foutre en montgolfière, Martine. Ouais. C'est pour se débarrasser d'elle. Ouais. Il y a Martine au congélo par Courgeot, c'est très bien. Ça. Mais ce qui est bien, c'est les générateurs de couverture de Martine sur Internet. Ça, drôle. Oui. Il y a Martine et le prince mystérieux. Ça, je sais pas ce que c'est, Martine et le prince. Ça, c'est son aventure avec Albert de Monaco. tu sais que c'est sa fille. Hein. Martine embellit son jardin. C'est pas beau ça? C'est bien. Martine va déménager. Ça, c'est intéressant. Ah oui, c'est intéressant, oui. Ah oui, c'est bien. Quand elle déménage, Martine lâche une caisse. Enfin... Ça, c'est pas ta proute. Et il y a Martine fait un IVG après le prince mystérieux. Enfin, non. Martine petit rat de l'opéra. Ça, ça doit être... Je l'ai lu. Ah, vous l'avez lu? Ah, mais toi, c'est bizarre que tu l'aies lu, en revanche. Bah oui, mais il n'y avait plus de Tintin, j'ai pris ça. Hein. Moi, je préférais Caroline, de toute façon. Elle était beaucoup plus sympa, Caroline. Elle avait plein d'animaux, plein de chiens. Caroline et ses amis. Eh ouais, elle était trop bien, Caroline. J'ignorais que Martine avait aussi un fiancé, un amoureux. Bon, ah bah oui, il s'appelle, je peux vous dire, Simon. Il est secrètement amoureux de Martine. Ah, bon. Secrètement. Et vous avez les copines de Martine, hein, Émilie, Julie, Claire. Et puis, vous avez évidemment les parents, la famille de Martine. Je ne savais pas que sa maman était vétérinaire, Marie, et papa photographe, Thomas. Vous voyez, on fait quand même connaissance avec la famille de Martine. Oui, voilà. C'est intéressant. Et oui. C'est pourquoi on en parle aujourd'hui, au fait, là? Parce qu'il y a un coffret qui sort. Ah oui, le coffret. Il n'a pas écouté au début. Si, j'avais oublié. Voilà. Oui, Martine se fait coffret, tu connais pas? Voilà. Non, mais c'est chouette, je trouve. Ouais, c'est quand même con-con. Hein. Ah non, c'est mignon. Oh bah non, Martine. Bon. Mais ça dépend pour quel âge. Moi, je l'avais acheté pour ma fille aussi. Ah mais c'est là que ça se vend encore, donc ça marche encore pour les petites filles. Moi, je lisais le Club des 5. Ah, c'est plus tard. Ça, c'est bien. Ah non, mais ça, on le lit tout seul. Comment il s'appelait, le chien? Dagobert. Ah, ça, vous m'aurez pas l'accès. Club des 5, ça va. Non, mais ça, on le lit tout seul plus tard quand on est préadolescent. Mais à 5-6 ans, les Martines, c'est bien. Un fantomètre. Ouais. Fantomètre, ça, c'est bien. Martine a une étrange voisine. Non, ça fait peur, ça. Oh là là. c'est mystérieux. Il y a un épisode, je dois dire, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. Il date de 1990. Ça s'appelle Martine, un mercredi pas comme les autres. Ah, c'est parce qu'elle est allée sur YouPorn. Vous cherchez une complémentaire santé pour maîtriser votre budget à la retraite? Avec AXA, profitez de 7 formules personnalisables et sans limite d'âge pour optimiser votre budget. Même si vos besoins changent à la retraite, vous serez toujours vous et toujours bien protégé avec AXA. Rencontrez votre conseiller AXA ou rendez-vous sur AXA.fr. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Laurent Ruquier. Voici François de Nantes qui vient d'apprendre qu'à chaque match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire quintet plus des Bleus de 10 millions d'euros. Une aubaine pour ceux qui miseront sur les bons chevaux. 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. C'est vrai qu'il a l'air content, François. Vous aussi, jouez au Paris Hippique et tentez de gagner la super tirelire des Bleus de 10 millions d'euros du quintet plus. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Le jeudi 23 et vendredi 24 juin, Leader Price frappe encore plus fort sur les prix. Le kilo de pêche blanche est au prix imbattable de 1,49€. Oui, vous avez bien entendu, seulement 1,49€ le kilo. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et c'est uniquement chez Leader Price. Pêche blanche catégorie 1, calibre 61-67mm, origine France. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. James Bond 007, l'exposition événement enfin en France. Aston Martin, costumes, gadgets, croquis, photos de tournage, objets originaux. Venez découvrir plus de 500 pièces exceptionnelles. James Bond 007, l'exposition actuellement à la Grande Halle de la Villette à Paris. Avec TF1 et RTL. Du 14 au 24 juillet, jeunes prodiges et artistes de légende sont à l'honneur au festival Jazz à Juan. Place au swing pour des soirées inoubliables avec à l'affiche Gregory Porter, Archie Shepp, Diana Krall et un concert unique d'Eddie Mitchell et son big band. Vous n'avez pas encore vos places? Réservez vite sur jazzagement.com avec RTL. Intermarché s'engage! Les cerises d'origine France, les moins chères de France, sont à 3,99€ le kilo! Mais c'est jusqu'à dimanche, quand Intermarché défend les prix, c'est vous le grand vainqueur! Intermarché, tous unis contre la vie chère! Calibre 26+, catégorie 1. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Intermarché vous rembourse la différence. Voir modalité sur intermarché.com. Et pour jouer avec les grosses têtes pour le challenge, inscrivez-vous RTL.fr. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Laurence, Laurence Robin. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour à toute l'équipe. Oh, bah, je sens que vous avez la pêche, Laurence. Bonjour Laurence. Ah oui, oui, toujours. Eh oui, vous habitez Frontignan, c'est dans l'Hérault. Frontignan, tout à fait, à côté de Sète. Quel temps il fait? Il fait chaud comme chez nous à Paris aujourd'hui. Il fait très chaud. Ah oui, ouais, ici aussi, il fait très très chaud. Si vous voyez les femmes là en tenue solaire. Ça y est, avec le haricot à la fenêtre. Karine en rouge, Roselyne en jaune, on a l'impression. J'ai l'impression de, je sais pas, de faire un parti d'un groupe. Mais c'est Koh-Lanta en fait. J'attends mon Rominet. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laurence? Je suis réceptionniste au Grand Hôtel à 7. Ah, très bien. Il y a un Grand Hôtel à 7. Et c'est vous à la réception. Et à la réception, les gens sont sympas avec vous? Pas du tout. Ça dépend. Est-ce que vous sentez quand un client descend sous un nom d'emprunt parce qu'il n'est pas avec son épouse? Oh, la question louche. Oui. Ça vous arrive, ça? Ça arrive, oui. Et à quoi vous le sentez, ça, que c'est pas son vrai nom? Un mec qui s'appelle une grosse habitude. Une grosse habitude, ouais. La façon de faire, voilà. Il paye en espèces. Ouais, et puis Brad Pitt avec l'accent de Montpellier. Bah, Laurence, en tout cas, vous allez vous peut-être enfin pouvoir partir à votre tour. À Valoir-Galibier, en Savoie, j'en parle depuis une semaine, mais c'est un endroit magnifique. Hein. Vous allez en plus avoir accès à la patinoire, à la piscine, à la télécabine ouverte aux piétons. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais je le dis. Oui, des fois que tu rentres avec ta bagnole dans la télécabine. Cinq jours de cette nuit, vous gagnez, d'accord? D'accord. Pour deux personnes. Ça fait la semaine. Quoi. Vous allez partir avec qui? Avec mon mari. Bah, tiens, tant qu'à faire. Bah oui. Voilà. Comment il s'appelle son petit nom? José. Bah, Laurence et José. José. Vous allez partir dans un magnifique appartement, hébergement de Valoir, que nous vous proposons donc. Et ça tombe bien parce que la question va parler d'hébergement ce matin dans la presse et dans Le Parisien, aujourd'hui en France plus particulièrement. On nous dit que les professionnels de l'hôtellerie, dont vous faites partie d'ailleurs Laurence, oui, ont déposé une plainte contre les 127 plateformes identifiées de location de logements entre particuliers. Et évidemment, les premiers visés, ce sont évidemment les leaders de ce genre de proposition, Airbnb. Vous connaissez Airbnb ? Airbnb, tout à fait, oui, oui. Oui, c'est ces gens qui vont plus à l'hôtel, hein, ils s'arrangent entre eux. Entre particuliers, tout à fait. Oui, on s'échange ses appartements, Airbnb. Mais dans Airbnb, que veulent dire les deux B, B and B ? Bed and breakfast. Bed and breakfast, c'est gagné. Bravo, oui, Laurence. Merci. Eh oui, lit et petit déjeuner, bed and breakfast, Airbnb. Avant, on appelait ça comme ça, d'ailleurs, les bed and breakfast. Oui, oui. Quand on allait en Angleterre, chez les gens. Ouais. Sauf que maintenant, ça s'est popularisé grâce à Internet dans tous les pays, chez nous aussi. Et vous voyez ça d'un mauvais oeil vous-même, vous en foutez, vous n'êtes pas la patronne, vous, Laurence. Non, mais bon, c'est comme ça, on fait attention quand même au chiffre d'affaires, parce que bon, mais c'est notre gagne-pain aussi à tous. Hein. Eh oui, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation des métiers. Ah. Tout à fait, oui. Je suis très contente. Ah ben non, vous n'êtes pas contente de l'ubérisation. Elle s'en fout, elle est contente du séjour. Oui, tout à fait. En plus, vous allez voir le fameux, c'est la dernière fois que j'en parle, hein, mais vous allez voir le fameux concours de sculpture sur paille et foin. Ah oui, c'est admirable. Ça, c'est bien. Ça, je vous le recommande, bien, la paille et le foin. Alors, on a mis sur Twitter, hein, sur le compte des grosses têtes, les photos des sculptures qui sont magnifiques. Allez voir sur valoir.net aussi, vous en saurez plus sur ce concours qui a lieu entre le 5 et le 10 juillet prochain. Laurence, on vous embrasse. Eh ben merci beaucoup, merci à toute l'équipe et bonnes vacances à tous. On n'est pas encore en vacances, on est là encore toute la semaine prochaine, attention. Oui, oh là là, oh malheureuse, oh bijou, doucement, tout doux. Qu'est-ce qui lui prend? Il est en voiture à cheval. C'est les sculptures sur paillet foin. Oh là, bijou. Attention à la grange, je vais apprendre de l'or. Ah ouais, c'est pas tout ça, mais il y a les bêtes. Dites donc, vous avez fini de vous moquer? Ah bah enfin écoutez, l'amour est dans le pré. On évoque le 11 juillet. Ah oui, le 11 juillet, je suis devant mon poste. C'est reparti. Attendez, la finale du dimanche, vous avez juste le temps de décuiter. Ouais. Et hop, on se remet devant la télé. Ils sont bien les nouveaux agriculteurs. Ils sont super. Vous avez un puceau cette année ou pas? Oui. Ouais, Michel Houellebecq. Non. Non, il y a pas de puceau cette année. Vous avez un homo cette année ou pas? Non. Non plus. Il y a des nouveaux animaux un peu ou c'est tout le temps dans de la vache? Mais oui, il y a une hélicicultrice. Qu'est-ce que c'est? Les escargots. Une éleveuse d'escargots. Ouais. Elle doit pas bosser beaucoup. Hein. Allez, je les rentre à l'étable, il y en a pour 5 heures. C'est un troupeau de bêtes à cornes. Ouais. Non, c'est drôle. Elle est super. C'est vrai, comment elle s'appelle? Monique. Monique. Oui, s'il vous plaît. On n'a rien dit. Elle avance. Et combien elle en a d'escargots? 40 000. Ah oui, c'est un beau troupeau. Ils ont tous un prénom? Non, et elle vend ça au grand restaurant parce que elle est dans la montagne au-dessus de Nice. Et donc comme il y a des herbes qui sont très très parfumées, il paraît que ça donne un goût à la chair incroyable. Et quel type d'homme elle cherche? Un type qui s'enlaille? Des rugbyman. Non. Un type avec une rugbymen. Elle aime bien les mecs balèzes, des beaux mecs balèzes et qui bavent. Qui bavent, oui. Combien vous allez lui en présenter de mecs? Une douzaine? Je vous donne un scoop. Tiens, il y a Céline Dion qui a écrit à l'un des agriculteurs cette année. C'est pas vrai. Pardon. Si. Déjà, René est à peine parti, elle cherche un mec. Ah, génial. René encore chaud et l'autre elle y va. C'est pas forcément une lettre d'amour. Vous regarderez l'émission. Céline Dion a écrit à un agriculteur. Ouais. Et pour lui proposer quoi? Mais regardez l'émission le 11 juillet, vous saurez tout. Voilà. Ah, ça c'est un teasing, je ne connais pas. En tout cas, c'est l'année où on n'a jamais eu autant de couples en week-end amoureux, etc. Il y en avait 11 sur 14 amoureux en week-end. Vous ah oui, ça tringe dans le fenil. Ouais. Mais pourquoi vous n'ouvrez pas carrément un bordel? Oui. Ce serait mieux. Ben oui. Oui, c'est vrai. Mais le bordel, c'est pas l'amour. C'est le début. Faut bien que ça commence d'une manière. Pas romantique, Christophe. Non. Vous serez devant votre écran, Laurence, le 11 juillet pour regarder L'amour est dans le pré. Oui, si je peux, oui. Ah, si vous pouvez. Comme une réticence. Mais non, mais elle travaille. On sent pas l'enthousiasme fou, hein. Non, mais en tout cas, si elle se lève tôt, elle peut écouter RTL parce que je reprends la matinale d'RTL le 11 juillet à partir de 5h du matin. Je fais la promo aussi au passage. On n'est pas là pour faire la promo de tout le monde quand même. C'est RTL, tu vois, c'est bien. Bon séjour à Valoir, on vous embrasse, Laurence. Merci à toute l'équipe, au revoir. Mais je vous en prie. Les grosses têtes, 16h-18h sur RTL. Casino. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casinomania. Alors vous, Julien, c'est quoi votre manie? Alors moi, pour encore plus savourer la promo sur le champagne éthique, je prends une bouteille, je vais me balader, et puis je reviens prendre la deuxième qui est gratuite. Jusqu'au 3 juillet, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'une bouteille de champagne Éthique & Co Monopole Brut Grande Cuvée 75 centilitres, la deuxième est à 0€ au lieu de 28€. Casinomania, encore et toujours plus fou! Avec Casino, prenez goût aux économies. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Valises. Mais on part qu'un week-end. Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grande marque au meilleur prix, livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Quand on est un vin du Val-de-Loire et que l'on voit la vie côté rosé, alors tous les mariages sont acceptés. Cabernet d'Anjou, c'est l'alliance réussie de notre onde et acidulée avec des recettes apéritives aussi bien sucrées que salées. Alors vous aussi variez les saveurs et osez un Cabernet d'Anjou salade de fruits pour voir sa robe rose, framboise, tournoyée ou un Cabernet d'Anjou verrine de saumon pour goûter à ses reflets saumonés. Avec Cabernet d'Anjou, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vin du Val-de-Loire, tous les vins sont dans sa nature. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL. Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grosses têtes jusqu'à 18h avec Karine Lemarchand, Roselyne Bachelot, Christophe Beaugrand, Jean-Jacques Perroni, Florian Gazan et Igor Bogdanov. Une question pour Sylviane Malfait qui habite Bergerac. C'est sympa comme nom. C'est un peu pour ses parents. Dordogne. Si je vous parle du quintus, du quartus, du tertius et du secundus, de quoi s'agit-il ? Est-ce que ce sont des os ? Comment ça, des os ? Des os de d'un os ? Oui et non. Ah, comment ça, oui et non ? Mais non, oui, il y a de l'os là-dedans, mais ce ne sont pas les noms des os. C'est pas des arêtes ? Des arêtes, non. C'est une partie du corps humain ? C'est une partie du corps humain. C'est des osselets dans l'oreille ? Des osselets dans l'oreille. Qu'est-ce que vous foutez les osselets dans l'oreille ? Pourquoi pas une touillette dans votre... Non, vous voulez dire l'étrier, l'enclume, des trucs comme ça ? Oui, c'est ça. Non. Est-ce que c'est une partie du corps plutôt vers le bas ? Oui, monsieur. Au niveau orteils, au niveau du pied. Les métacarpes, les métatarses ? Les phalanges des orteils ? Alors, tout simplement, c'est quoi ? Les ongles. Non, pas les ongles. Mais non, c'est le nom des doigts de pied. Excellente réponse de Karine Lemarchand. Les noms des doigts de pied. Eh oui ! Il y a bien des noms pour les doigts de la main. Pourquoi il n'y en aurait pas pour les doigts de pied, oui, évidemment. C'est... Et on savait, ça avait été une des premières questions que j'avais posées aux grosses têtes. Je m'en souviens, il y a presque 2 ans maintenant. On savait que le gros orteil s'appelait l'hallux. Hein, c'est l'hallux, le gros orteil. L'hallux, mais les autres, quand même, vous avez le secundus, le tertius, le quartus et le quintus, qui est le dernier petit doigt du pied. C'est le quintus, vous voyez. Ah. On dira rien d'autre. Je vois que vous cherchez une rime en us et nous ne ferons rien. Pas du tout, monsieur Perron. Monsieur Perronus, vous vous trompez. Vous vous trompez. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'évidemment, monsieur Tron vient d'être à nouveau... Ça nous manquait. Par les Républicains. Ouais, c'est l'époque de la tongue. Et oui, Georges Tron, un choix polémique, hein, titre la presse. Georges Tron vient à nouveau d'être désigné candidat aux législatives 2017. Bon. Mais présomption d'innocence, après tout. Hein. Il a été désigné par le parti pour être à nouveau candidat. Lui qui aimait masser les pieds. Et ça il l'a avoué. Il n'y a aucun problème. Après, est-ce que ça a dérapé ou pas dérapé ? Est-ce qu'il a gratté entre les deux gros orteils ? Ça, voilà. Est-ce qu'il y avait des champignons. Eh oui. Le primus, le secondus, le prépuce, voilà. Voilà. Vous aimez qu'on vous masse les pieds, vous, Roselyne ? Ah, c'est pas désagréable. Ah, oui, ah, hein. Oui. Ah, ouais, mais ah, pas par Georges Tron. Est-ce que ça l'excitait, une mise à pied ? La réflexologie plantaire. Ah, ouais, c'est génial, ça. Ça fait du bien. Ouais, ça fait un bien fou. Et alors, c'est assez curieux, parce qu'en fait, c'est vrai que chaque morceau, enfin, chaque partie du pied représente une partie du corps. Moi, j'ignorais bien ça, sûr. Mais par exemple, votre hallux, justement, retenez ce que c'est, l'hallux ? Le gros orteil. Le gros orteil. C'est votre cerveau. Voyez, voilà, là, je m'en doute. Et oui, si vous massez. C'est pour ça qu'on dit bête comme ses pieds. Voilà, si vous massez votre gros orteil, vous vous faites du bien au cerveau, voyez. Ah. En revanche, si vous vous massez le quintus, c'est le sinus. Vous voyez, on gratte le nez alors. Voilà. Alors moi j'ai une entorse au bras, il faut que je me tripote quoi ? Ah bah alors le bras, c'est plutôt sur le côté du pied. Sur le bras, c'est la veuve poignus. Non mais c'est intéressant, chaque partie vous avez la rate. C'est quoi le foie ? Alors ah bah le foie, je peux vous dire, le foie c'est au milieu du pied à peu près. Oui. Et en revanche, si vous vous grattez, ça c'est assez intéressant. J'ose même pas vous le dire, remarquez. Ah bah si, vas-y. Si vous grattez du côté du talon, c'est les testicules. Ah. Bah, moi, ça me gratte aussi. C'est n'importe quoi, Patrice. C'est pour ça que quand je fais une talonnade au foot, j'ai mal aux couilles. Ce sont les Chinois qui font ça, évidemment. Ça doit correspondre à des points d'acupuncture en même temps. Exactement, voilà. Excusez-moi, mais si je peux me permettre, si vous regardez bien, il y a plusieurs fonctions sur ce point-là. Il y a testicules, mais il y a aussi colon. Ah oui. C'est donc il faut faire attention. Si tu vises entre les deux, c'est la prostate. Une question pour Frédéric Gauthier maintenant, qui habite Sainte-Soule, et c'est en Charente-Maritime. Sainte-Soule. Sainte-Soule, oui. Sainte-Soule. Sainte-Soule, c'est pas mal, ça. Qui picolait. Ouais. Sainte-Soule. Oui. Pour quelle raison reparle-t-on dans la presse aujourd'hui de Jean-Louis Barcelona? Ah, alors Jean-Louis Barcelona, c'est le sosie de Paul Narev dans la pub CTLM. Exact. Et il vient d'être condamné. CTLM vient de perdre son procès face à Paul Naref. Ils ont été condamnés à 10 000 euros. Réponse de Christophe Beaugrand. Alors, le sosie, c'est pas vraiment le sosie. Non, hein. Il était présenté comme tel dans la publicité, caricature. Mais il lui ressemble pas tu vraiment. Tu mets une perruque et des lunettes, tout le monde est sosie. Hein. Voilà, c'est Jean-Louis Barcelona, c'est le comédien, effectivement, qui dans la pub CTLM mettait des lunettes, une perruque, et se faisait passer pour un faux Paul Naref. Le pauvre. Le vrai Michel Paul Naref n'a pas trop aimé ça, il a porté plainte contre CTLM. Bon, il réclamait 1 million, il a eu 10 000 euros, c'est pas tout à fait ce qu'il escomptait. Bah, c'est sûr. Il appellera CTLM pour le complément. Alors que oui. Non mais c'est bizarre, parce que c'était quand même drôle, c'était un clin d'œil, c'est bizarre de porter plainte pour ça. Oh, je suis assez d'accord en même temps. On ne peut pas utiliser ton image comme ça. C'est sans son image. Marilyn Monroe, elle est morte. C'est moins grave. Oui, mais enfin, c'est tellement outrancier et caricatural que. Justement, il avait raison de se plaindre. Voilà, ah, voilà. Roselyne, elle n'aimerait pas que dans la pub CTLM, il y ait une fausse Roselyne Bachelot. Oui, ça risquerait de les plomber, les pauvres. Vous dites, Roselyne, c'est vrai que vous allez faire Danse avec les stars ou mais pas? Mais non, c'est absolument faux. Vous me voyez à mon âge faire Danse avec les stars? Bah, pourquoi pas? Marthe Mercadier, elle l'a fait. Ah oui? C'est pas un bon souvenir, oui, elle est plus vieille que moi. Ouais. Bah oui, bah beaucoup. Encore, non, mais on me l'a proposé il y a 3 ans. On m'a proposé Danse avec les stars et j'ai refusé. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse dans un truc comme pareil? Bah, je sais pas, moi, danser. Danser, non, non. Pourquoi vous faites pas ces Secret Story, genre j'ai été ministre? Non, plus. Moi, je prends Roselyne dans Secret Story avec grand plaisir. Faudrait qu'on trouve un secret. Ça va pas être possible. Non, c'est dommage. Non, mais en tout cas, la pub. J'ai rendez-vous chez mon proctologue. Bah, c'est pareil. Roselyne, elle sort de trou du cul, je prends de votre niveau. Bah, enfin. J'essayais d'être raccord avec Secret Story, moi. Ah, bah, j'ai une question alors culturelle qui va remonter le niveau pour Stéphanie Hureau et qui habite. Hureau. Madame Hureau, elle habite Clichy-sous-Bois, c'est en Seine-Saint-Denis. Et la question concerne un peintre dont je vois d'ailleurs ici l'autoportrait. Autoportrait exposé au musée d'Orsay, puisque d'ailleurs il y a toute une exposition au musée d'Orsay que vous pouvez aller applaudir jusqu'au. Enfin, applaudir. Si on peut applaudir des tableaux, ouais, bien sûr. C'est vachement bien peint. Une autre. On a pas un applaudir dans le musée devant un tableau. Tu sais, alors, tu sors du musée, on sait jamais dans l'emballement, vous voyez. Ouais, dans la joie. Bah, au lieu de rigoler, de vous moquer de moi, trouvez plutôt le nom de ce peintre. Je vais même vous donner son prénom, vous voyez comme je suis sympa. Voilà. Son prénom, c'est Charles. C'est Glaire. Excellente réponse. Bravo. De Roselyne Bachelot, voilà qui remonte le niveau. Enfin, Glaire, c'est pas terrible. Ouais, c'est pas terrible. Ça s'écrit Gleyre. Exactement. Charles Glaire. Je dois reconnaître que je ne connaissais pas ce peintre. C'est magnifique. Ah, c'est vrai? Ah, oui. Et quand j'ai vu ce matin, c'est dans le magazine du vendredi du Parisien, que effectivement il y avait un autoportrait de Charles Glaire au musée d'Orsay. Il faut aller voir l'exposition. Et qu'il y avait toute une exposition au musée d'Orsay jusqu'au 11 septembre, j'ai été surpris. Un jeune peintre suisse. Non, il est suisse. Et c'est vrai qu'il n'avait que 21 ans quand il a réalisé cet autoportrait magnifique, hein, je dois dire. Mais évidemment, il a peint beaucoup d'autres choses. Ah oui. Non, mais Charles Glaire, fallait le trouver. Là, je dois dire quand même que je suis assez épaté. Bravo. C'est autre chose que le trou du cul. Hein. Assez épaté par Roselyne Bachelot. Mais j'ai une question encore, Roselyne, à laquelle vous devriez répondre, car je sais que vous n'êtes pas insensible à l'histoire de France et à ses grandes dates. Il se trouve que le 1er juillet prochain, nous célébrerons, et ce sera un centenaire, évidemment, la fameuse bataille de la Somme, puisque le 1er juillet 1916, d'ailleurs, il y a un livre qui sort aux éditions Fayard qui s'appelle « Ces Anglais morts pour la France », car près de 20 000 morts sur une vingtaine de kilomètres au nord de la Somme. Pour les Britanniques, ce fut le jour le plus noir de toute la Grande Guerre. Et c'est vrai que la mémoire de ce carnage est encore plus douloureuse côté anglais côté français. Et ce qui est étonnant, c'est que dans l'article du Figaro aujourd'hui, on nous dit donc, et je vous lis la phrase exacte, « En Angleterre et dans les ex Et là, il manque un mot. Hein. En Angleterre et dans les ex, la mémoire de ce carnage est plus douloureuse encore que Verdun côté français. Dominion. Dominion, les ex Dominion. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et je dois dire, bravo Jean-Jacques, parce que moi quand j'ai lu cet article, je me suis dit, mais c'est quoi ça les dominions? Expliquez ce que sont les dominions. Bah, c'est un peu comme nous, les dom-tom. Oui, bah, c'était les gens qui faisaient partie, les qui faisaient partie du Commonwealth. Exactement, les dominions, c'était l'Afrique du Sud, l'Australie, voilà. Le Canada, l'Inde, l'Irlande, la Nouvelle-Zélande, le Pakistan, Terre-Neuve, tous ces états qui étaient indépendants de l'Empire britannique, mais pas totalement souverains, souverain, car voilà. La diplomatie était sous la souveraineté de la couronne britannique. La reine, le roi et la reine étaient... Exactement. Eh ben, j'ignorais qu'on appelait ça les dominions, et voilà pourquoi la bataille de la Somme reste dans la mémoire non seulement des Anglais, mais aussi des ex-dominions. C'est un article signé Rémi Caufort que vous avez parfaitement complété. Bravo Jean-Jacques Perroni. Vous le savez peut-être, c'est le grand retour du Schmilblick sur le site leschmilblick.fr. Toute cette semaine, vous avez pu retrouver ce grand jeu mythique et essayer de découvrir le Schmilblick avec nous grâce aux indices dévoilés sur RTL. Et c'est madame Ginette Madeleine qui a découvert le Schmilblick, un ballon. Elle gagne 3000 euros, dont 500 euros, qu'elle a décidé de reverser à l'association Passeport Avenir. Encore bravo, madame Madeleine, et rendez-vous dès maintenant sur le schmilblick.fr pour continuer à jouer et à vous divertir. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Saviez-vous qu'il existe un moyen encore plus simple que la radio pour écouter votre radio préférée ? Avec RTL.fr ou l'appli RTL sur votre smartphone, vous n'avez plus besoin de connaître notre fréquence. Vous captez RTL parfaitement, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, partout en France et dans le monde. Vous continuez d'écouter RTL à Pékin par Internet, c'est bien ça ? RTL bouge, vous aussi. Alors retrouvons-nous sur RTL.fr ou sur l'appli RTL de votre smartphone. RTL, première radio de France. Casino. Bienvenue chez Casino pour les 30 jours Casinomania. Alors vous, Julien, c'est quoi votre manie? Alors moi, pour encore plus savourer la promo sur le champagne éthique, je prends une bouteille, je vais me balader, et puis je reviens prendre la deuxième qui est gratuite. Jusqu'au 3 juillet, dans tous les supermarchés Casino, pour l'achat d'une bouteille de champagne Heineken Co. Monopole Brut Grande Cuvée 75 centilitres, la deuxième est à 0 euros au lieu de 28 euros. Casinomania, encore et toujours plus fou! Avec Casino, prenez goût aux économies. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Dis, oui. Tu aimes le cinéma? Ah bah oui, bien sûr. Tu vas être content. Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom offre à ses clients Bibox 20 films en VOD. Waouh, 20 films en VOD sur ma Bibox Miami? Oui. Avec les pop-corns? Ah. Non mais je demande. Bah tant qu'à faire. Tu es tellement drôle. Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, découvrez le cadeau que nous réservons à nos clients Bibox. 20 films de légende offerts en VOD. Rendez-vous vite sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. RTL. Suite de vos grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Une question maintenant pour monsieur Anthony Tamburello qui habite la ville du Bois, c'est dans l'Essonne. Et ça tombe bien d'ailleurs puisque je vais vous parler d'un livre, d'ailleurs que nous avons évoqué ici même aux grosses têtes il y a quelques mois. Mais Le Monde nous annonce enfin la parution dans une nouvelle traduction française de ce livre. Ça va vous faire rire évidemment, qui s'appelle Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. Et il s'agit bien du vrai Bambi d'ailleurs, d'où a été tiré le film de Walt Disney, qui date, lui, ce film des années 1940. Mais le roman au départ, le roman de Bambi, car c'est un livre avant d'être un film, le livre de Bambi est signé d'un Autrichien qui s'appelait Félix Salten, et le premier livre, Bambi, est sorti en 1923. Mm-hmm. Et c'est assez incroyable, et d'ailleurs le livre ressort là, actuellement, aux éditions Rivage Poche, traduit de l'allemand, ou de l'autrichien, pour être plus précis. Ça s'appelle donc Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. En langue originale, ça s'appelait Bambi Bambi, eine Lebensgeschichte aus dem Wald. Merci Adolphe. De Félix Salten. Et ben non, justement, c'est ça qui est intéressant et que nous raconte Macha Seri dans Le Monde, c'est que au-delà du conte animalier, de l'histoire de Bambi dont on a fait un film, le livre racontait la persécution des Juifs dans les pogroms déjà, évidemment, à la fin du 19e siècle et au début du 20e, puisque déjà dans les années 1920 en Russie et en Autriche, évidemment, il y avait des pogroms et une extermination de certains certaines villes ou villages juifs. C'est-à-dire que Bambi était juif. C'est en tout cas une une métaphore. Et le lapin était nazi. Pan, pan. Non mais c'est assez incroyable parce qu'on ne le sait pas quand on regarde le film. Là, je vais vous apprendre quelque chose grâce à ce papier de Macha Série. Par exemple, je vous lis un extrait. C'est d'une évidence même quand on lit cet extrait du roman. Il s'agit de deux feuilles qui sont dans la forêt, deux feuilles accrochées à un grand chêne, quasiment dénudées par l'hiver, jusque-là rescapées de l'hécatombe. Elles sont les deux seules feuilles de l'arbre. Elles savent que leur fin est proche. Et que se produira-t-il lorsqu'elles se détacheront ? Et là, elles sont en train de se parler, les deux feuilles dans l'arbre. Il y en a une qui dit à l'autre « Qui sait ?» Aucune de celles qui sont tombées n'est encore jamais revenue pour en parler. C'est pas beau, ça, quand même. Ça fait peur. Alors, ma question, c'est que Macha Seri, qui est une excellente journaliste au Monde, parle de ce livre sur Bambi comme d'un récit. Et là, il manque l'adjectif, évidemment. J'aime bien vous faire compléter les phrases des journalistes initiatique. Qui ont du vocabulaire. Initiatique, c'est vrai. Mais ça parle plutôt... On va dire que cet adjectif... Métaphorique parle... Non, métaphorique, non. C'est plus compliqué que ça, c'est un nom qu'on ne connaît pas. Ah oh, si, c'est un nom qu'on connaît, mais un adjectif qu'on n'emploie pas souvent. Scientifique ? Non, pas du tout. Est-ce que c'est lié à métaphorique ? Pas du tout. Qu'il y a une symbolique ? Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois. En fait, elle a pris le titre de Bambi, elle considère que c'est donc un récit... Cool. C'est historique. Anthropomorphique ? Non, non plus. Il faut qu'on trouve le sens d'abord. Ah oui. C'est lié à la métaphore, le fait de... Pas du tout, ce n'est pas lié à la métaphore. C'est lié au fait que ça raconte l'histoire de Bambi. C'est une fable. L'histoire d'une vie dans les bois. C'est une fable. Non. Animalier. Un récit animalier, non. Zoophilique. Zoophilique, non. Non, mais c'est pas en hic, hein, c'est ça, ça se termine pas en hic. Un roman forestier. C'est sur le forestier, presque. Sylvestre. Bonne réponse de Florian Gazan. Eh ouais. C'est vrai qu'on emploie très rarement quand même ce qualificatif. Vous employez ça souvent, vous. Sylvestre. J'ai fait une balade Sylvestre aujourd'hui. Non, mais enfin... Bah, chaque fois, j'ai dans la salle de bain. Ouais. Sylvestre et robinet. Ouais. Non, franchement, c'est rare qu'on dise les animaux Sylvestre pour les animaux des bois, vous voyez. Ah bah si. Ah, vous le dites, vous. Ah oui, chez le pâtissier, tu demandes une Sylvestre noire, toi. Non. Non, franchement, j'ai rarement entendu l'utilisation de ce qualificatif. Dans les campagnes, moi, je me souviens très bien quand j'étais là-bas dans Gascogne. Les gens disaient, voilà, je suis d'une humeur sylvestre ce matin. Forestière. Ah bon oui, les sylvestre. Agriculteurs, ils parlent pas comme ça. C'est un prénom. Et puis c'est un prénom. Il y a un journaliste sportif qui s'appelle Sylvestre Henri Cissé. Et puis la Saint-Sylvestre, c'est la... Et puis je rappelle que les méchantes dans Albator s'appellent les Sylvidres parce qu'elles sont toutes vertes. Et oui, voilà. Et Sylvain et Sylvette. Ah oui. Souvenez-vous de Sylvain et Sylvette. On lisait ça quand on était gamin. Bande dessinée, les deux petits amis de la forêt. Et voilà, ils vivaient. Ils avaient un sanglier. Avec les animaux de la forêt. Le renard et le loup. En tout cas, Bambi, l'histoire d'une vie dans les bois, Bambi a une Lebensgeschichte aus dem Wald. C'est une maladie vénérienne. Existait. Ah oui, j'attends, c'est très nous savons les moyens de vous faire parler. Ça existait bien avant Walt Disney, vous voyez, ça nous vient d'Autriche en fait, Bambi. Et au départ, évidemment, Bambi vient de Bambino, hein, ça va de soi. Il y a encore Orlando là-dessous. Ah, mais non. Ah bon, non. Il n'y a pas Orlando, mais voilà, c'est un Autrichien qui a inventé l'histoire de Bambi, qui au fond est un manifeste politique. Si vous voulez lire le vrai roman, il vient d'être republié et traduit, 256 pages chez Rivage Poche. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, c'était ça, je voulais savoir si c'est traduit, génial, je vais le lire. Ah bah oui, c'est pas un Autrichien que je vous le propose quand même, hein, voyez. Mais c'est beau Bambi, on a tous pleuré quand on a vu Bambi pour la première fois, non? Oui, absolument. Oui. Bah, quand sa mère meurt, de toute façon, chez Disney, il y a toujours un parent qui meurt, ils sont chiants. Hein. Mais oui, les enfants adorent ça. Le roi lion, le père, il meurt, Bambi, la mère, elle meurt. Ah, oui. C'est traumatisant, c'est... Mais non, c'est initiatique pour les enfants. Ils apprennent à grandir, à se débrouiller tout seul. Mais et dans la Bible, la mère est déjà morte. C'est bien. Je vous remercie. Puisque ce matin, manifestement, vous aimez jouer à compléter les phrases, j'ai une autre question pour Marcel Galkin, qui habite Belfort. Et la question concerne, là, cette fois, le Brexit. Hein, c'est la nouvelle du jour, évidemment. Les Britanniques qui ont voté contre le maintien du Royaume-Uni dans l'Europe, l'Union européenne, en tout cas. Et évidemment, les slogans, manifestement, ont porté leurs fruits. En tout cas, les slogans qui étaient contre le maintien du Royaume-Uni. Et justement, il y avait des badges qui fleurissaient un peu partout en Angleterre, des badges sur lesquels il était écrit, et là vous allez voir que mon anglais est parfait, attention, car c'est un mot anglais que je vous réclame. Hein. Without, I am voting out. Donc, quel mot manque-t-il? Without doubt. Without doubt. Without a doubt. I'm voting out. Without a doubt, I'm voting out. Bonne réponse de Florian Gazan. Ce qui veut dire... Sans aucun doute, je vote je vote pour le Brexit, ce qui ne rime plus en français, ouais, hein, évidemment. D'où la difficulté, au fond, de traduire des poèmes quand on y réfléchit bien. Oui. Without a doubt, I am voting out. On pourrait dire, sans aucun doute, je vote out. Oui, c'est pas mal. En quelque sorte. Without Roselyne, I'm voting in. Roselyne, you are unhappy or happy? I am very unhappy. Because you are European? Yes. And you wanted that the English remaining with us? Yes. Oh, quel accent! Ah yes, because if I want, I can speak very fluently. Yeah. Et il y a une jolie polémique. Il y a une jolie polémique. English, you beaugrand! Speak in English! There is a polémique in Great Britain because of the polls, the sondage. Because the sondage avait wrong. Les sondages avaient dit que le remontait, finalement, c'est le nom qui a gagné. Oui, mais à deux points, c'est la marge d'erreur. Hein. Bah, ça fait 1 million quand même à peu près de votants hein, de ouais, différence, enfin, hein, c'est pas rien quand même. Aïe, les Anglais, remarquez, ils n'ont jamais vraiment été dans l'Europe, je vois pas pourquoi on pleure. Non, c'est pour eux que c'est dramatique, pas pour nous. Ils avaient déjà pas l'euro, les Anglais, on était obligés... Pas Schengen, pas l'euro. On était obligés de changer d'argent quand on allait là-bas. Mais du coup, on va reboucher le tunnel sous le manche, on le rebouche ou quoi, qu'est-ce qui se passe alors? Ah oui. Mais il y a d'autres pays qui vont avoir cette idée-là, c'est tout. Ah, vous pensez? On va faire un Frexit. Mais d'abord les Pays-Bas qui sont déjà dans cette démarche. Ah non, là vous confondez parce que l'Hollande Exit c'est en 2017. Ouais. L'Hollande Exit plus des masses. Là. Alors là, je vais vous parler d'un avion maintenant, un avion dont vous avez forcément entendu parler. Ce sera une question pour Jean-Marc Surena qui habite Najac dans l'Aveyron. Un avion qui est parti lundi de New York et qui est seulement arrivé à Séville hier. Solar Impulse. Eh oui, bonne réponse collective. Non mais... C'est génial. Ce garçon-là, Bertrand Picard, il est génial. J'en reviens pas quand même de rester autant de temps dans un avion, quand même 3 jours pour traverser l'Atlantique. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ses besoins, comment il fait. Ah oui, vous pensez dans une bouteille. Mais c'est pas très grand cet avion, il peut pas vraiment se balader en plus. Non. C'est tout petit. Et puis ça transporte qu'un seul mec. Ah, je me demande s'ils étaient pas deux à bord quand même. C'est quand même pour l'avenir. Non, ils étaient pas deux à bord, il me semble qu'ils étaient deux à bord. Ah bon, je crois qu'ils alternaient, moi. Oui, ils alternaient. Ils sont deux pilotes. Ils sont deux pilotes. Ils sont deux pilotes à bord. Donc il y en a un qui dort et l'autre qui pilote. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en 1927, en mai 1927, quand Lindbergh va traverser l'Atlantique. Oui. Et ça, il va le faire quand même en 30 heures. C'est quand même un exploit inimaginable, parce qu'il n'était pas du tout équipé à cette époque-là. Le Spirit of Saint-Louis, il y avait pratiquement, il voyait rien. Devant, il y avait tout le moteur, il y avait la machinerie, les instruments. Donc, il voyait sur le côté. Oui, mais sauf que là, certes, il l'a fait en 71 heures, Picard, mais il l'a fait en 71 heures. Équipé. Oui, mais à l'énergie solaire. Oui, à l'énergie solaire. Ah, oui. T'imagines, quand tu passes au-dessus du Nord-Pas-de-Calais, le mec, il tombe, quoi. Il n'y a plus de soleil. Non, mais il y a une prouesse humaine et une prouesse technologique. C'est un exploit extraordinaire. C'est un exploit technologique aussi. Mais sur le plan physique, je pense que Charles Lindbergh a fait un exploit qui était supérieur. Parce qu'il n'y avait pas d'instrument de navigation à cette époque-là. Là, c'est pour la technologie du sens. On va pouvoir traverser l'Atlantique sans utiliser de kérosène. C'est génial. Bien sûr, c'est génial. Mais c'est absolument merveilleux. Mm. Quand j'y pense, c'est quand même curieux de s'appeler Picard et de vouloir marcher au soleil. De vouloir marcher au soleil. Oui, c'est ça. C'est bizarre. Non, franchement, je sais qu'on allait y venir. C'est pas conseillé. Vous êtes d'accord, Péroni? Faut jamais rompre la chaîne du froid. Dans un instant, retour des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. Oh, il y a du prix inratable dans l'air cette semaine, dites-moi. Et c'est chez eux, hein ? C'est au rayon fruits et légumes. Les abricots calibre 45-50 mm, origine France, sont à 2,19€ le kilo seulement. Parfait ! 2,19€ le kilo d'abricots moelleux et parfumés. Oh, pour de l'inratable, ça c'est de l'inratable. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. Tes valises? Mais on part qu'un week-end! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles! J'ai pas pu me retenir! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix livrables en 24 heures! Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Géant, les bonnes affaires du moment, les soldes et les offres exclusives chez Géant. Jusqu'à dimanche, bénéficiez d'un bon d'achat de 5 euros pour tout achat de 50 euros minimum. Géant pour votre pouvoir d'achat. C'est jusqu'à dimanche seulement et c'est chez Géant. Les prix bas, c'est Géant. Bon d'achat valable sur tout le magasin du 27 juin au 3 juillet. Soldes du 22 juin au 2 août, hors Corse et Alpes-Maritimes. Et la valise est prête, ma foi, là aussi. Hein, et pour peut-être la gagner, inscrivez-vous. RTL.fr, encore par SMS, code valise au 74 900, c'est parti. RTL. C'est l'heure de la valise. Elle est toute neuve, la valise. Il y en a eu une formidable gagnante qui était bien heureuse de gagner cette valise. Il faut dire qu'elle était bien remplie. Là, forcément, il y a moins de choses dans la nouvelle valise. 1005 euros tout de même. Hein. Après tout, c'est ce qui compte. Un joli chèque de 1005 euros. Et attention, hier soir, dans la valise, Christophe Paco et Agnès Bonfillon ont ajouté, c'était dans RTL Grand Soir à 21h, un abonnement à la revenue. La revue. J'ai dit la quoi revue. La revenue. Il pense qu'à l'argent, sur les pieds. C'est terrible. Un abonnement à la revue 21 et un abonnement à la revue. Les lapsus, il y a un problème. C'est freudien. À la revue 6 mois. Je connais pas ces revues. À 21, c'est génial. C'est une revue de grand reportage. L'autre, je connais pas, mais 21, c'est formidable. C'est à l'occasion du festival de couture. Alors, les ateliers de couture, évidemment, c'est un jeu de mots. C'est pendant 3 jours couture. Ça s'écrit C-O-U-T-H-U-R-E-S, et du 29 au 31 juillet prochain, il y a des expositions, des rencontres, des concerts, c'est au bord de la Garonne. C'est quoi le jeu de mots? Je comprends pas. C'est le nom d'une ville. C'est le nom d'une ville, couture. Ah, d'accord. Oui. J'imagine. Ah, d'accord. C'est dans le Maine-et-Loire. Voilà. Non, la Garonne? Ah, bah, il y a aussi un couture dans le Maine-et-Loire. Ah non, ça doit être un autre couture. Bah, les toponymes, on les retrouve en général. Oh, soyez polis, Roselyne. Elle arrête pas de dire des mots qu'on connaît pas. Elle est sylvestre. Tellement sylvestre. Alors, attention, je vais demander à monsieur Perroni, parce que jamais vous êtes d'accord, Karine, êtes d'accord, Roselyne. Jamais on pense à notre Jean-Jacques, qui quand même a fait une bonne saison des grosses têtes. Oui, enfin, ouais, exactement. On sait qu'il sait beaucoup de choses. Ah, il le mérite bien, notre Perroni. Ouais. Oh, mais t'as pas le droit de dire le vin. Non. Ouais. Ou le 12°5. Alors, un numéro. Il a un côté un peu sylvestre, mais il n'est pas si con qu'il en est. Ah, mais il se déboise. Oh. Mais il se déboise, quand même. Alors, allons-y. C'est vous qui allez appeler l'auditeur, Jean-Jacques. Attention. Hein. Allez, Jean-Jacques. Un numéro entre 1 et 20, Jean-Jacques. Eh ben, 12 comme 12 degrés. Alors, le numéro 12, nous allons appeler Marine Poursin. Allô, Jean-Jacques. N'est-ce pas? Même Poursin, Même Poursin. Ah, moi, j'adore les Poursins, c'est très bon. Elle habite Guérande, en Loire-Atlantique, madame Marine Poursin. Ça ne manque pas de sel. Allô, Marine? Oui. Yaya, c'est Jean-Jacques Perroni qui vous appelle de RTL. Vous savez pourquoi? Vous avez une petite idée? N'ayez pas peur. Pour la valise. Ben voilà, ouais, bravo, bravo Marine. Bonjour Marine. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce qu'il y a-t-il dans la valise? Non, je suis désolée, je sais pas. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est quoi ces conneries, Marine? Qu'est-ce que vous faites, mademoiselle, pour ça aujourd'hui à Guérande? En fait, là, pour la saison, je travaille à Herbignac dans les espaces verts pour la mairie. Vous avez une activité sylvestre, donc. Qu'est-ce que vous faites pour la mairie exactement, Marine? Bah, j'entretiens les espaces verts de leur commune, en fait. Ah, vous êtes jardinière. Voilà, c'est ça. Bah, jardinière, femme à tout faire. Et vous n'avez pas pu écouter RTL ces jours derniers, évidemment. Non. Bah, j'écoute généralement en replay, mais vous avez un peu de retard, du coup. Et il y a longtemps que vous êtes inscrite sur les grosses têtes au RTL.fr pour la valise. Oui, ça fait 7 mois, je pense. Sept mois. Effectivement. Vous rendez compte et on vous appelle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est con aussi. Mais ça reste si longtemps les numéros. Quand on appelle, il faut vraiment écouter tous les jours. Pendant toute l'année. C'est le principe de la valise RTL. On ne doit pas décrocher de notre station, évidemment. Je suis désolé, il y avait 1008 euros dans la valise. Ah, j'avais entendu 1005. 1005, d'ailleurs. Oui. C'est bien de suivre. C'était pour voir si vous suiviez, Roselyne. On a pris 3 euros pour aller prendre un café. L'animateur de mauvaise foi. C'est bien, vous suivez. Il y avait 1005 euros dans la valise, c'est vrai. Et puis, puis des magazines, des revues. Et ça aurait fait un revenu et des revues, voyez-vous. Ah, voilà. À l'occasion du festival de couture. Je suis désolé, on va vous envoyer une jolie montre. montre RTL. Ah, c'est gentil. Ah, bah quand même, oui. On sait ce que je vais faire. En plus de la montre RTL, je vais vous envoyer un jeu de société des grosses têtes et le cahier de vacances des grosses têtes pour remplir tous les jeux. Vous allez voir des caricatures de tout le monde. Vous allez vous marrer en reconnaissant les Bogdanov, Karine Lemarchand, Jean-Jacques Perroni. Vous avez un supplément 20, enfin tout ce qu'il faut. Un supplément 20? Oui, un supplément 20. C'est bien, ça. Ah, bah oui. Ah super, bah merci. Puis, quand même, c'est pas de chance, c'est quand même rare que Jean-Jacques Perroni prenne son téléphone pour appeler les auditeurs, vous savez ça. Ouais. Bah excusez-moi, je n'ai pas porté chance, c'est tout. Ouais, bah bravo. Il est tout triste, notre Perroni, de vous avoir fait perdre. Ça me donne envie d'aller boire un coup. tous les prétextes sont bons. Bah on vous embrasse, Marine, au revoir. Bah, moi aussi, merci, au revoir. Et on vous envoie tout ça, elle a du boulot, la pauvre. Laurent, et comme on est très sympa dans les grosses têtes, eh bien on va rajouter évidemment quelque chose hein, dans la valise. Notez bien chez vous, papier, crayon. J'ajoute donc dans cette valise RTL un séjour de 3 nuits à Paris dans la suite agent secret du Seven Hotel à Paris, un hôtel 4 étoiles à expérience unique dans son genre. Le temps de votre séjour, glissez-vous dans le costume taillé sur mesure du mythique espion britannique. Vous n'en reviendrez pas. Pour compléter, notez bien aussi cette expérience unique. Vous serez invité à l'exposition James Bond 007 à la Grande Halle de la Villette à Paris. Jusqu'au 4 septembre, cette exposition, en partenariat avec RTL, retrace 50 ans de style Bond. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl là. Dis quoi encore? T'as pas la pêche? Ah c'est ça. Par contre ici ils ont la nectarine. Hein. Je dois rigoler peut-être là. Oh non, désolé, mais quand aujourd'hui et demain ils nous font la barquette d'un kilo de nectarine origine France à 1,69€, le moral en prend un coup. 1,69€ la barquette d'un kilo de nectarine. Ah pour le coup ça vaut le coup. Ah si vous faites de la pub pour Lidl patron, là on est mal. Hein. Ah on est très mal, je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,69€ le kilo, catégorie 1, calibre 56-61, chair jaune ou blanche selon magasin, origine France. RTL, première radio de France. Il est 17h. Les infos, Céline Landreau. Un débat sur l'Europe mardi à l'Assemblée nationale, illustration supplémentaire de la secousse qui traverse la France et le continent tout entier après le vote du Royaume-Uni. À près de 52%, les Britanniques ont donc décidé une sortie de l'Union européenne. Un coup porté à l'Europe pour Angela Merkel, un choix douloureux selon François Hollande qui a réuni depuis une heure le gouvernement français pour un conseil des ministres extraordinaire. L'enjeu, c'est désormais d'anticiper les conséquences diplomatiques, politiques et économiques du Brexit, déjà visibles sur les marché vendredi noir pour les places boursières européennes. Moins 7% à l'heure actuelle pour le CAC 40 à Paris, près de moins 6% pour le DAX à Francfort. Baisse moins forte en revanche à Wall Street aux États-Unis, où les boursiers sont même soulagés ce matin, Philippe Corbet. Oui, 90 minutes après l'ouverture des marchés ici à New York, le Nasdaq affiche seulement moins 2,69%, le Dow Jones moins 2,33%, en baisse de 420 points. Peu après l'ouverture, on a flirté avec les moins 3% au-delà des 500 points. C'est donc une mauvaise séance, un mauvais vendredi, mais pas un vendredi noir, pas catastrophique, pas de crack en vue selon Wall Street. Et c'est d'ailleurs ce que cherche ce matin le secrétaire d'État au Trésor et Barack Obama, calmer les marchés avec des déclarations rassurantes. Le président qui est personnellement désavoué car il a fait campagne au Royaume-Uni pour qu'il reste dans l'Union. Il a mouillé la chemise, ça n'a eu aucun effet. Au fond, le principal impact pour l'instant ici aux États-Unis, c'est que la Fed n'est pas sur le point de remonter ses taux d'intérêt. Et ça aussi, ça aura des conséquences sur le portefeuille des Européens. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis. Le Brexit se divorce entre le Royaume-Uni et Bruxelles. On y reviendra évidemment longuement dans RTL Soir. Édition spéciale à partir de 18h avec vous, Bernard Porrette. Bonsoir. Bonsoir Céline, absolument. Alors bien entendu, toute la rédaction est mobilisée. Nous aurons des reportages venant de partout, venant du Royaume-Uni, venant de France, d'Allemagne, d'autres pays d'Europe également, bien sûr. Et puis beaucoup d'invités. Il y en aura 4 exactement. Yves Bertoncini d'abord à 18h20, c'est le directeur de l'Institut Jacques Delors. Avec lui, pas de politique. Hein. On va essayer de faire le Brexit pour les nuls, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça va changer pratiquement pour les Anglais, bien sûr, et aussi pour nous, les autres Européens, en particulier les Français. Et ensuite, dans la deuxième demi-heure, avec Alain Duhamel, eh bien, j'aurai 3 invités. Alors là, purement politique, Bruno Le Maire, Maire, qui est le candidat Les Républicains de l'Eure. Il y aura aussi Nicolas Bay, qui est secrétaire général du Front National et eurodéputé. Et puis Benoît Hamon, qui est député socialiste des Yvelines et ancien ministre. Et bien sûr, sur cette question, ils n'ont pas du tout les mêmes opinions. À tout à l'heure. À tout à l'heure, 18h, Bernard. Les jurés sont allés au-delà des réquisitions. Ils ont condamné Fabienne Cabot à 20 ans de prison ferme cet après-midi aux assises du Pas-de-Calais, coupable d'infanticide et d'avoir abandonné sa fillette de 15 mois sur une plage de Berck-sur-Mer alors que la marée montait. Les chiffres du chômage du mois de mai attendus dans une heure maintenant avec cette question. L'éclaircie va-t-elle durer? Pour la première fois depuis 2011, le taux de chômage vient de baisser pendant 2 mois consécutifs. La météo à présent avec une nouvelle alerte orange aux orages. 31 départements sont concernés, des orages localement forts du sud-ouest au nord-est du pays. Le temps sera plus calme demain sur l'ouest avec de belles éclaircies dans l'après-midi. Très ensoleillé même sur les plages de l'Atlantique et sur les bords de la Méditerranée. Les températures de 11 à 22 degrés. Demain matin de 18 à 33 dans l'après-midi de la Bretagne à la Côte d'Azur, vous aurez 20 degrés dans la capitale. 17h et 4 minutes sur RTL. Les grosses têtes reviennent maintenant avec Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Toujours avec Roselyne Bachelot, Karine Lemarchand, Igor Bogdanov, Florian Gazan, Jean-Jacques Perroni et Christophe Beaugrand. Une question pour Monsieur Bastien Delost qui habite Saint-Louis. Question culturelle, mais pour laquelle la réponse devrait fuser assez rapidement, je dois dire, puisqu'il s'agit d'un festival qui existe quand même depuis 1970. Ce sera donc la 47e édition de ce festival qui va s'ouvrir le 4 juillet prochain. Quel est ce célèbre festival? Les vieilles charrues. Non. Avignon, c'est plus vieux. Là, les francopholies. Avignon fêtera le festival d'Avignon, théâtre, donc, fêtera ses 70 ans cette année. 70 ans. Là, on en est à la 47e édition. Francopholie, c'est pas si vieux. C'est musical. C'est pas les Corégies d'Orange? Les Corégies d'Orange, non. C'est de la musique classique, c'est la musique... ou c'est de la variété? Alors du c'est rock. Bien parce que ça nous permet de parler, vous voyez, des festivals qui sont nombreux pendant l'été. C'est quoi, c'est du jazz? Les Français adorent ça, ce n'est pas du jazz, monsieur Est-ce Bogdanov. Que c'est de la musique classique? De la musique classique, non plus. Donc du rock? Du rock, non. De la variété? De la variété, non. Est-ce que c'est de la musique? Ce n'est pas de la musique. Du théâtre? Ah. Ce n'est pas du théâtre? Du cinéma? Non plus, du cinéma, non. C'est pas de la marionnette? De la marionnette, non. Est-ce que c'est lié de la danse? De la danse, non. C'est lié aux médias? Aux médias, non. Alors attends, c'est un festival de quoi? Sport. C'est sportif peut-être? C'est sportif, non. Est-ce que c'est une activité artistique quand même? Oh bah oui, c'est pas un festival de... Bah oui, mais enfin on trouve sculpture. Pas. Sculpture. C'est quoi? C'est du livre? De menhir. De livres, pas du tout. De la BD? De BD non plus. Peinture? De peinture, non. C'est la sculpture. C'est artistique, on a dit? Oui, c'est artistique. Est-ce que c'est un festival de sculpture sur Poirot? Non. C'est audiovisuel? Audiovisuel. Qu'est-ce que vous appelez audiovisuel? Genre le festival de Monte-Carlo, les séries télé? Ah non. C'est pas du photoreportage, ce genre de choses? Ah, c'est Arles! Et ça s'appelle le festival? La photographie, Oui. Oui, alors comment ça s'appelle? Les rencontres d'Arles! Bonne réponse de Florian Gazan et Roselyne Bachelot. Eh oui! Vous aviez oublié la photographie et ça fait quand même effectivement 47 ans, 46 ans, ça dépend comment on compte, que le festival Les Rencontres d'Arles existe et ça commence le 4 juillet prochain et c'est vrai que ça va de la photographie de guerre, le photoreportage aux photos un peu plus artistiques. De cul quoi. Oh bah non, écoutez. Non. Mais il bon, y en a. Les photos d'art, c'est pour dire des photos de cul. Pas toujours, mais c'est parfois. Du nu artistique. Vous êtes doué d'ailleurs pour la photo, vous, monsieur Perroni. De cul, oui. Non, mais de cul. Vous faites beaucoup de photos ou pas? Parce que alors, par exemple, j'aimais bien un moment. Je sais pas si ça vous intéresse, mais alors moi. Pas du tout. Ah ça, j'aimais bien à un moment faire des cadres. Je déteste ça. Moi, je fais jamais de photos, par exemple. Moi, j'aime bien. Mais vous aimez pas en prendre et qu'on vous prenne en photo non plus. Et que j'aime pas qu'on prenne en photo non plus, mais j'en prends non plus. Moi, je dérange pas les autres non plus parce que je n'en fais jamais de photos. Ce que disait Roland Barthes sur la photo, il a dit quelque chose qui est absolument génial à sa façon. Il a dit, ce qui me fascine dans la photographie, c'est son immobilité. Ah ouais? Ah ouais. Et tu penses vraiment qu'on va faire gagner 300 euros avec ça? Grishka, vous parlez pas souvent, mais quand vous parlez, c'est Igor. Tu vois, t'aurais dû faire une photo pour les distinguer. Et merde. Oui. Et puis ce qu'il y a de très bien, c'est il ajoute, Roland Barthes, il ajoute quelque chose d'absolument génial. Il dit, en fait, si c'est aussi génial que la première fois, seules les évidences peuvent stupéfier. Voilà. Ah voilà. Et comme quoi, c'est merci de rappeler que Roland Barthes a dit beaucoup de conneries. Et non, oui, il n'a pas fait que Il est quand même connu, il faut le rappeler, pour son saucisson et pour sa photographie. Il n'y a pas que lui qui est connu pour son saucisson. C'est varésienne. Et vous, Beaugrand, vous êtes connu pour la photographie de votre saucisson. Oh non! Non, Ah bah si! J'ai pas de ficelle! Je ne dément pas. Vous êtes déjà allé aux rencontres d'Arles, Caroline? Non, moi je Ça, c'est Rosine. Non, ça, c'est Igor. Oh là là. Ça, c'est Igor. Et je crois qu'on est en train de perdre Philippe Bouvard. On a perdu Philippe Bouvard, là, ça y est, c'est fini. Ressaisissez-vous, Philippe. Ça va pas, mon petit filou? Non, alors, Philippe, alors. Qu'est-ce qui se passe? C'est rien, c'est pas grave. On a perdu, Laurent Ruquier. C'est pas grave, on nettoiera après. Roselyne, pardon. Moi, je suis très fatigué. Faut qu'on explique aux auditeurs qu'hier soir, j'ai tourné, on n'est pas couché. On a eu une panne de courant pendant l'émission. Et quand vous dites vous avez tourné vous-même, en fait, l'émission. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que les pannes de courant en général, je ne raconte pas, vous verrez ça samedi soir, mais il a fallu que je termine l'émission à la main, comme on dit. C'est-à-dire. Ah oui. La finition manuelle. J'ai tourné l'émission au smartphone, avec mon smartphone. Parce que les caméras ne fonctionnaient plus du tout, il n'y avait plus d'électricité. Plus de caméras, rien. On a fait 1h40 d'émission au lieu de 3. Et au bout d'un moment, écoutez, vous verrez samedi soir. C'est comme l'amour est dans le pré, il faudra regarder. Vous rendez compte, une panne de courant pendant une exécution à la chaise électrique. Les gars, ils sont obligés de le terminer à la bougie. En tout cas, les rencontres d'Arles. Moi, j'y vais tous les ans. Ah, vous y allez tous les ans. Eh bien, ça démarre le 4 juillet prochain. Et c'était une excellente réponse signée Bachelot Gazan. Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Pour vous, les filous. Pour vous qui n'acceptez les promotions canapé que pendant les soldes. Profitez. Les soldes, c'est parti sur laredoute.fr. La Redoute propose des remises incroyables. Jusqu'à moins 70% sur les articles mode et maison. Puma, Jonac, Levis et bien d'autres marques sont disponibles en un clic. Et ce week-end, moins 10% supplémentaires sur tout le site. Et la livraison et les retours sont gratuits. Voir conditions sur laredoute.fr. Carrefour Market fête ses clients. Ce week-end, c'est mon tour d'organiser une fête. J'ai invité des copains pour le match des Bleus. Ça tombe bien, Michel. Market fête ses clients avec des promos imbattables. Jusqu'à demain, la basse-côte 2 étoiles Origine France est à 6,70€ le kilo. Je vais faire des grillades avec une bonne sauce au bleu. Vous allez marquer des points, Michel. J'espère que je ne serai pas la seule à marquer. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Viande bovine, basse-côte 2 étoiles à griller, le plateau de 4 pièces minimum. Magasin participant sur carrefourmarket.fr. 17h10, nous accueillons Dominique Cordier. Dominique, bonjour. Bonjour Isabelle. Pour les courses, pour la suite à Deauville. Avec l'arrivée de la cinquième, la victoire pour le 6, Memento Tomori, 5,90€ et 7€ tout rond. Deuxième, le 7, Joyeria, 5,90€. C'est la Sipanemo à 5,1€ qui prend la troisième place dans cette épreuve où il n'était que 7. Pas d'abstention dans la sixième course, la victoire pour le 6, All the Lies, 8,60€ et 3€ tout rond. Deuxième, le Nice. Night Call, 7,60€. Troisième, l'As Zenta, 2,30€. C'est le 5. My Girl Market, à égalité, qui prend la quatrième place. La suite des courses à Deauville, vous les retrouverez sur RTL.fr et sur le 32-10. Il en reste deux à courir. Et j'ai lu dans la presse, Dominique, est-ce que c'est vrai? Un parieur de Brive a misé 12€ et il a gagné plus de 180 000€. C'est exactement 184 660€ en trouvant la bonne combinaison du quintet du prix de Diane où la Cressonnière, vous vous en souvenez, l'avait emporté. Ça peut peut-être vous arriver, ma chère Isabelle, si vous jouez. Faut que je joue. Si vous jouez au quintet de ce soir, les pronostics sur RTL.fr, ceux de Bernard Glass, mais peut-être en prenant le 5 en base, il y a 12 contre 1, vous pourrez, vous aussi peut-être, gagner plus de 180 000€. Alors j'espère que vous avez bien noté, hein, donc le 5 chez vous. Hein. 19h47 voilà. Le quintet. Merci 19h47 Dominique. Le quintet. Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grosses têtes. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Salut Maxime. Bonjour Laurent, bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour Maxime. J'ai voulu faire jeune, j'ai dit salut Maxime, il a 24 ans. Qu'est-ce que vous faites à 24 ans? Bah moi je suis technicien de maintenance en bureautique. Je répare des imprimantes et des photocopieurs. Ah c'est pas mal ça parce que c'est toujours en panne. C'est un métier là où il y a du boulot dites donc. Hein. Ah bah oui, bah heureusement que ça tombe en panne de temps en temps. Ah oui, la photocopieuse, il y a bien un truc qui tombe en panne régulièrement. C'est, oui, une fois par semaine généralement. Ah, ouais, vous connaissez la plus grande cause de panne des photocopieuses? Allez-y, c'est quoi? C'est les gens qui s'assoient dessus pour faire des photocopies de leur cul. Non, non, c'est vrai. C'est une légende. Tout le monde l'a fait. Racontez-nous alors ce que vous trouvez parfois de rigolo ou de curieux dans les photocopieuses quand vous allez les réparer? Des cochonneries. Oh bah oui, des cochonneries, des choses qui ont été imprimées. Bon, rien de très spécial. Moi, je suis jamais tombé sur des choses vraiment salaces, on va dire. Vous êtes dans la reproduction, mais avez-vous des enfants vous-même, Maxime? Non, pas encore. Pas encore. Vous allez peut-être partir, en tout cas, au château de Pizet. C'est dans le cœur du Beaujolais, à 40 minutes de Lyon. Un magnifique édifice construit entre le 11e et le 19e siècle. Vous voyez, ils ont mis du temps à le construire. Un hôtel 4 étoiles, un des plus grands domaines viticoles de la région, entre Brouilly et Morgon. Un joli séjour en perspective, pas Maxime. Mal. Allez voir sur châteaupizet.com. La question concerne quelqu'un pour qui on a eu peur le 19 mai dernier, mais qui depuis, alors je dois dire, vit peut-être la période la plus belle de son existence médiatique, en tout cas depuis qu'il s'est recyclé. On l'a appelé dans sa première période, dans sa première carrière, El Magnifico. Facile. Mais comment s'appelle-t-il ? C'est David Ginola ? David Ginola, bravo. C'est gagné ! Ah, c'est super. J'ai eu peur que Florian Gazan réponde avant moi. Et oui, David Ginola, victime d'un malaise cardiaque le 19 mai dernier, mais il est revenu très vite à la télévision pour animer cette émission qui, je crois, bat des records d'audience après les matchs sur M6, pas chaque soir, mais quasiment chaque soir, qu'il présente d'ailleurs avec la journaliste Nathalie Renoué. On a appris en plus que c'est lui qui allait animer Incroyable Talent. Il va succéder à Alex Good à la rentrée prochaine. Et c'est vrai que manifestement, il plaît aux ménagères, David Ginola. Mais moi, j'étais assez surpris. Il est très à l'aise. Hein. Il est vraiment très bon à l'antenne. Hein. Ah ouais. Pour un footballeur. Oui, franchement, il est impressionnant. Il est beau gosse quand même. En plus, il est bon. Il n'est pas que beau. Vous l'avez rencontré, Karine? Non, mais on en a beaucoup parlé parce qu'à M6, il fait frétiller les filles. Ah, il est beau mec. Hein. Il paraît qu'en plus, il est très séducteur. Ah oui. Sa femme va être ravie si elle nous écoute. Ah bah, il est séparé. Très bien. Bon, tout va et bien. On m'a raconté des dîners où à la fin il a une main sur une cuisse de chacune de ses voisines et elles sont toutes là. Ah, on dirait Giscard. Ouais, bah, tant qu'à choisir, je prends plutôt Ginola. Hein. Juste au niveau des mains alors, hein, parce que. Ah oui, et vous-même alors, il vous plaît physiquement? Moi, le football, je pense que c'est bon, c'est fait. Enfin, il joue pas au même poste. Mais là, il n'est plus footballeur maintenant. Il est animateur. C'est un collègue d'M6, voyez. Oui, non, mais là, ça ferait névrosé comme fille quand même. Ah oui. Ça ferait un peu fixette. Oui, c'est alors, ça. Alors, je me tourne vers Roselyne Bachelot qui aime les sportifs. C'est vrai. Ah, oui, vous plaît bien, Ginola. Ah, bah, Ginola, je dois dire que j'en ferais bien un petit 4 heures. Ah, voyez quand même. Et s'il a un incroyable talent en plus. Pour se méfier des effets d'annonce. Le jury ne changera pas, en revanche. Hein. Ce seront les mêmes jurés dans Incroyable Talent à la rentrée. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit dans la presse. On retrouvera Eric Antoine, Kamel Wally, Hélène Ségara et Gilbert Rozon. Ouais. On l'aime bien, Hélène Ségara. L'amour est un soleil qui vient souvent chauffer mon cœur. Pardon, excusez-moi. T'en as pas déconnu ? Mais si. Elle, non. Si, on l'adore, Hélène. Il y a trop de gens qui t'aiment. Ah, voilà. Mais tu ne me vois pas. Je ne sortirai pas indemne. Cet amour avec toi. Il y a trop de gens qui t'aiment. Oh, il va haut. Hein. Tu devrais mettre de l'écho, ça fait Hélène ce garage. Il y en a une autre. Elle, tu l'aimes si fort. Ah non, mais si ma préférée, fort. C'est Tu vas me quitter, je le sais. Tu vas me quitter. Je le sais, tu vas t'en aller, je le sais. J'ai mis un rouge, c'est de la merde. Ma c'est incroyablement nul. J'en ai vu des chanteuses de merde, mais à ce point-là. Alors, moi, je l'aime beaucoup, Hélène Ségara. Parlez-moi de nous, parlez-moi du passé. Ah, posez-nous donc une question, dans vous êtes là. Non, monsieur Perroni, ce sera après la pub, vous avez le temps de prendre l'apéro. Les grosses têtes reviennent avec Laurent Ruquier sur RTL. Bonjour, c'est Yves Calvi. Vous êtes très nombreux à me dire que l'actualité va trop vite, qu'un débat en chasse un autre et finalement que d'info en info, on perd le fil de la réalité. C'est pour ça que chaque matin sur RTL, notre priorité c'est de prendre le temps de nous arrêter pour réfléchir, du temps pour découvrir les faits, pour les analyser et finalement en débattre et trancher. C'est vrai que c'est impeccable, des bonnes synthèses, parfait. Avec François Langlais, Alba Ventura, Olivier Mazerolle et toute l'équipe d'RTL Matin, c'est la promesse que nous tenons chaque jour dès 7h. Et vous voyez, ce n'est pas compliqué. À lundi, président Gérard, 7h, 9h30 sur RTL. Oh il y a du prix inratable dans l'air cette semaine, dites-moi. Et c'est chez eux, hein. C'est au rayon fruits et légumes. Les abricots calibre 45, 50 mm, origine France, sont à 2,19€ le kilo seulement. Parfait. 2,19€ le kilo d'abricots moelleux et parfumés. Oh, pour de l'inratable, ça c'est de l'inratable. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper U et Super U participants. Liste sur magasin.com. Les nouveaux commerçants. Slip de bain, check. Les grands Total, check. Et le plein de Total Excellium, check. De quoi? Total Excellium, le carburant qui décrase ton moteur quand tu roules. Non. Si, avec jusqu'à 93% d'encrassement en moins dans le moteur. Mais c'est génial. Hey, check, check. Total Excellium, le carburant qui nettoie votre moteur, kilomètre après kilomètre. Par rapport à un carburant non spécifiquement additivé, test réalisé en 2013, les résultats peuvent varier en fonction du type de véhicule. Plus d'informations sur total.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. On a gagné, on a gagné. Moi j'ai une idée géniale pour embellir la fête. Je prépare nos soirées foot avec Jiffy. Il y a tous les accessoires de table et de fête pour une soirée supporter réussie. En plus, si la France gagne la finale, nos accessoires sont 100% remboursés. Jiffy, des idées de génie. Voir conditions magasin. Magasin ouvert même le dimanche. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chou, qui veut des choux? Chou. Mais ça, c'était avant. Chouchou, qui veut des chouchous? Des bons chouchous. Avec Chris l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Pour être associé à une question et tenter de gagner 300 euros, il suffit de vous inscrire. RTL.fr. Une question maintenant pour Loïc Prodhomme qui habite Amby dans la Manche. Quels sont les 5 états des États-Unis bordés par le Pacifique? La Californie. Alors, la Californie. Hawaï. La Californie, Hawaï. L'Oregon. L'Alaska. Il en manque un. Alors, question même. L'État de Washington. Et l'État de Washington. Bonne réponse collective. Ah, vous êtes fort. Alors, c'est collectif. Sans Karine et moi, on n'en a pas donné un, mais si Karine était... a dit le Maine-et-Loire, quand même. On était solidaires de nos camarades. Non, la difficulté, normalement, vous auriez dû me commencer par me dire, évidemment, Oregon, Washington, Californie, et Hawaï et Alaska, évidemment, sont un peu à part, puisque ce sont deux États, certes, qui bordent le Pacifique, mais qui ne sont pas dans la continuité des trois autres. Cela va de soi, parce que je voyais pas. Il y a le Canada qui sépare, évidemment, les trois États des deux autres. Parce que l'État de Washington et la ville de Washington, c'est pas pareil. C'est à l'opposé. Il y a Washington, la ville d'un côté, l'État de l'autre. Une question pour Monsieur Chastanel qui habite Coubron en Seine-Saint-Denis. Et ça va intéresser à la fois Florian Gazan et Jean-Jacques Péroni, ce qui est rare au fond, puisque je vais vous parler d'un footballeur qui s'est éteint en 1983 après avoir bu sans cesse pendant 4 jours des suites d'une cirrhose liée à son alcoolisme. Vache. Quel footballeur. Est-ce qu'il a traversé l'Atlantique? Un Français? Non. C'est un Anglais? Un Anglais? Non. Est-ce que c'est un... Un Russe? Un Irlandais? Un Irlandais? Non. Est-ce qu'il est Européen? Européen? Non. Amérique du Sud? Amérique du Sud, oui. Un footballeur qui est mort en 1983. Pelé, non. Il n'est pas mort. Pas Pelé, mais quelqu'un qui a joué avec Pelé. Ah, donc un Brésilien. Un Brésilien. Un Brésilien, très bien. Bah, 83. Je connais pas. Et on en parle dans Libération aujourd'hui parce qu'il y a une pièce de théâtre qui est jouée par Eric Elmosnino aux Nuits de Fourvière à Lyon. Elmosnino joue un homme qui est fan de ce footballeur. La pièce s'appelle Monsieur Armand. Ça se joue à Lyon actuellement pendant les Nuits de Fourvière et jusqu'au 30 juin. Et ça rappelle la carrière incroyable de ce footballeur qui est effectivement, est mort en 83. Alors là, il n'était plus footballeur, hein, évidemment. Ah, il est très connu. C'était sa déchéance. C'est une des stars du football mondial. Garrincha. Garrincha. Oh, bonne réponse de Florian Gazan. Jamais entendu le nom de ce monsieur. Si, ça lui fait légende. C'est une légende du football, Garrincha. Alors, il paraît qu'il était un peu bêta, hein, quand même. Il n'était pas très malin. Footballeur. Hein. Mais il était attaquant. Il était ailier droit. Et il est considéré comme un des meilleurs footballeurs brésiliens de tous les temps avec Pelé. C'était le plus grand dribbleur de l'histoire du football. Il a joué pendant 2 Coupes du Monde en 58 et en 62. Et alors, ce qui est étonnant, c'était que physiquement, il était un peu handicapé. Ouais, il était très bizarre physiquement. Comment ça, handicapé? C'est-à-dire que son père lui-même était alcoolique déjà, Garrincha. Ah. Et donc, il souffrait de problèmes congénitaux. Sa colonne vertébrale était déformée et ses jambes étaient arquées. Au point qu'à l'âge adulte, il avait sa jambe droite qui était plus longue que sa jambe gauche de 6 cm. Mais il arrivait à jouer quand même au foot? Bah, c'est-à-dire que, c'est, évidemment, pour les autres footballeurs, c'était emmerdant. Ça, ça l'aidait à dribbler. Il pensait courir tout droit, lui, mais en fait, il ne courait pas tout droit. Oui, mais avec une jambe plus courte que l'autre, c'est plus facile pour s'accouder au comptoir. Ah non, mais c'est un destin absolument hallucinant que l'histoire de Garrincha. Après, alors, il a évidemment, il est devenu une énorme vedette au Brésil, mais dans le monde entier, parce qu'en plus, il jouait effectivement avec Pelé, et puis il marquait énormément de buts. Et à son retour de la Coupe du Monde 1962, où il avait particulièrement brillé, il s'est affiché au bras d'une célèbre chanteuse brésilienne, qui elle est encore vivante au moment où je vous parle d'ailleurs, qui s'appelait, qui s'appelle donc toujours Elsa Soares, alors qu'il était déjà marié et père de nombreux enfants. D'ailleurs, il a 8 filles qui vivent encore. Ah, c'est un vrai footballeur. Et évidemment, ça fait le scandale du siècle quand il est sorti au bras de cette chanteuse alors qu'il était déjà marié. Et puis, hélas, sa retraite a été plutôt terrible parce qu'il est devenu de plus en plus alcoolique, au point qu'il est mort après avoir bu sans cesse pendant 4 jours. Et est-ce qu'il buvait dans des verres ballons? Oh là là là là là là là. Monsieur Péroni. Bah, je me renseigne. Et sa tombe est accompagnée de cet épitaphe, Il a bu boire. Non, Sigi, la joie du peuple, car c'était son surnom. Joli. La joie du peuple. Garrincha, vous vous souveniez de lui? Oui, avant Pelé, c'était Garrincha, c'était un joueur incroyable. Il y a très peu d'images, forcément, parce que c'est dans les années 60, mais c'était avant Pelé, c'était l'équivalent de Pelé, quoi. C'était incroyable au Brésil. Il sait tout, ce gars. Ah, vous trouvez, hein? Ah, c'est incroyable. Ah, ouais. Moi, quand je le vois arriver dans la petite salle avant de rentrer, je me dis, il est là. Merde, je vais rien trouver. Elle va vous choper, Florian. Méfiez-vous. J'ai l'impression qu'il y aura un temps additionnel. T'as jamais vu un si gros carton jaune, hein? Bah, je préfère le carton rouge. Hein, si je... Bon, je suis pas grosse, juste un peu enveloppée. Ah non, j'ai pas. Ah non. Pas grosse, mais pour un carton jaune. Ah d'accord. Oui. Il a sorti des avions. Oui, hein. Pas du tout. Il a été légèrement mufle, mais il a se rattrapé. Mais voyez comme vous avez l'esprit mal placé. Vous n'êtes absolument pas grosse, Roselyne. Au contraire, même je vous trouve. Alors vraiment, vous n'avez jamais été aussi mince. Ah, oui, faut pas exagérer non plus. Enfin, faut peut-être pas exagérer. Non, je dirais même. Là, c'est trop. Non, je dirais c'est trop, Laurent. Non, il est absolument pas. Je me fais un peu de bile. Pas anorexique. Moi, je l'avais ça m'inquiète, moi. Faut faire quelque chose, Roger. Non, on va aller déjeuner au resto. Oui. Non, mais reprenez deux fois des pâtes. Elle est à la place d'Ariel, mais faut pas exagérer. Reconnaissez en revanche, je veux pas être insistant, mais reconnaissez quand même que pour un carton jaune. Ah oui, non, mais par rapport à un carton, on la mettrait pas dans la poche d'un arbitre. Voilà. On la sortirait pas une main, c'est sûr. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Rien de plus. Rien de plus. Merci. Voilà. Allez, vas-y. Après ma voix. Allez, enchaîne. Appelez maintenant. Caroline, il me traite de gros carton jaune. Non, en fait, c'est une déclaration d'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Tes valises? Mais on part qu'un week-end! Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping! Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles! J'ai pas pu me retenir! Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix livrables en 24 heures! Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçu du voyage. Voir conditions sur le site. Savez-vous que 80% des cambrioleurs passent par la porte d'entrée? Alors équipez votre domicile. Exigez la qualité Picard Serrure. Choisissez une porte blindée certifiée anti-effraction, origine France garantie, est distribué par un réseau de professionnels. Prenez rendez-vous sur picard-serrure.com. Picard Serrure, ça rassure. Chez Sarenza, grâce à nos sandales soldées jusqu'à moins 60%, une de nos clientes, Alexandra, a eu une révélation. J'aime ces sandales Clarks. Que je sois en pantalon, en robe, à la plage ou au bureau, elles ne me quittent plus. C'est dingue. Oui, c'est fou la vie. Tu cherches l'amour, tu crois que ça doit être un homme, et en fait c'est des chaussures. En plus, même pendant les soldes, Sarenza lui offre la livraison de ses chaussures en 24 heures. Ah, c'est vrai, quel homme ferait ça? Moi, peut-être? Sarenza.com. Voir conditions sur le site. Carrefour. Val, je reviens de chez Carrefour, il y a des soldes de folie sur plein de produits, t'imagines même pas. Ah, raconte. Bah, en ce moment, t'as jusqu'à moins 70% sur le rayon textile, la cuisson et même l'électroménager. Et t'as pris quoi? Bah, il y avait tellement de choix, j'ai pas pu me décider. Ah bah viens, on y retourne, à deux, on va y arriver. En ce moment, c'est les soldes de chez Carrefour. Profitez de remises immédiates jusqu'à 70% sur les rayons textiles, cuisson et électroménager. Vos magasins sont ouverts dimanche. Voir liste des magasins ouverts sur carrefour.fr. Valable sur les articles signalés en magasin jusqu'à épuisement des stocks. Carrefour. Jusqu'à 18h, les grosses têtes de Laurent Ruquier. Nous retrouvons Karine Lemarchand, Roselyne Bachelot, Christophe Beaugrand, Jean-Jacques Perroni, Florian Gazan et Igor Bogdanov. Une citation pour Monsieur Georges Diaz, qui habite Bruxelles, qui a dit « On est toujours déguisé, alors autant se déguiser, de cette façon on n'est plus déguisé. » Est-ce que ce serait pas Roland Barthes? Non. Est-ce que ça a été prononcé en français? Ça a été prononcé en français, oui. Et c'est vivant? Non, c'est quelqu'un qui nous a quittés en 1959. C'était donc un travesti. Un travesti, non, pas du tout. Il a dû en croiser dans les cabarets, mais ce n'était pas un travesti. Ah, c'était un homme qui était connu pour sortir le soir et oui, faire la fête. Oui, ça c'est vrai, c'était un octambule. Jean Cocteau. Jean Cocteau, non. Boris Vian. Boris Vian. Bonne réponse de Florian Gazan. Allez, ça continue. Ça continue, là, c'est pas bon. Une citation pour Michel Salah, qui habite Caen, qui a dit « Si Dieu avait voulu que les hommes volent, il aurait simplifié l'accès aux aéroports. » Ça, c'est actuel. Ah, ça, j'aime beaucoup, c'est ça. C'est Picard. Ça, c'est américain. C'est américain. Et vivant. C'est Woody Allen. Woody Allen, non. Seinfeld? Seinfeld, non. C'est un humoriste qui fait de la télé aux États-Unis? Un humoriste qui a fait de la télé, de Bobo, la comédie, qui est mort à 100 ans, mais ce n'est Bing pas Bob Crosby. Mais ce n'est pas Bob Hope. George Burns. George Burns. Oh, bonne réponse encore de Florian Gazan. Non, mais ça, c'est un running gag. Une citation pour Jamil Wada, qui habite Bruxelles, qui a dit 90% des habitants de cette planète, surtout occidentaux, sont sortis d'une bouteille de whisky un samedi soir sans que quiconque ait eu l'intention de faire un enfant. Ça, c'est un Américain. C'est pas faux. Ce n'est pas un Américain, c'est un Anglais. C'est un Anglais. C'est mort. Un Anglais mort. Humoriste? Humoriste, non. Écrivain? Écrivain, il était auteur, mais on peut Churchill. Pas dire. Écrivain, Churchill, non. Est-ce qu'il a écrit du théâtre, peut-être? Du théâtre, non. Comédien? Comédien, non. Journaliste? Journaliste, non. Chanteur? Chanteur, oui. Ah. 90% des habitants de cette planète, surtout occidentaux, sont sortis d'une bouteille de whisky un samedi soir sans que quiconque ait eu l'intention de faire un John enfant. Lennon. John Lennon? John oui. Lennon, bonne réponse de Christophe Beaugrand. Deux secondes avant Jean-Jacques Perroni. Une citation extraite d'une pièce de théâtre pour Monsieur Vincent Parchade, qui habite Sac-en-Ville, dans l'Eure. Sac-en-Ville. Oui, Sac-en-Ville, ça existe. C'est dans l'Eure. Et c'est une citation sous forme de dialogue. Écoutez bien ce dialogue assez croustillant, je trouve. Où sont mes lunettes? Sur ton nez. Tu peux pas être un peu plus précise? C'est mignon, ça. C'est, qu'est-ce on qu'on dirait a, c'est du gueule. On cherche le nom de la pièce. Qu'est-ce qu'on demande? À qui doit-on ce magnifique dialogue? Ah, l'auteur de la pièce. Oui. Donc, où sont mes lunettes? Sur ton nez, tu peux pas être un peu plus précise? Ionesco? Ionesco, non. Audiard? Audiard, non. C'est quelqu'un qui faisait dans l'absurde? Oh, dans l'absurde, non, mais dans l'humour, oui. C'est contemporain? Contemporain, oui. Auteur de théâtre uniquement? Auteur de théâtre, mais pas seulement. Là, c'est une pièce. Hein. Il jouait aussi parfois. Il jouait. Jean Poiret? Jean Poiret, bonne réponse de Florian Gazan. Non, bon, alors là, écoutez. Je crois qu'il faut que je monte le niveau d'un cran. Ah bah oui, parce que là, Florian... Pour vous, Roselyne... Ah bah... Elle est démoralisée. Je suis écœuré. Moi, je suis écœuré. Je crois qu'elle en a plein la bouche du gazon. Hein, là, ah non, non, non, peut-être pas, quand même. Ça aussi, c'est délicat. Ça se mange sans faim, ça. Ouais, je pense qu'il a un truc contre vous, Roselyne. Ouais, ouais. Voilà. Je vois que Pierroni, vous écoutez tout ce que je dis. Bah, en même temps, vous avez un micro. Autrement, bah oui, il y a mis. Mais tout le monde entend tout ce que vous dites. On a un casque, vous avez un micro, on se rencontre. Il y a même... Vous savez quoi, il y a même des auditeurs. Hein. Ouais, et ils écoutent tout. C'est que les gens vous entendent. Hein. Mais c'est pas bien d'écouter tout ce que je dis, Péroni. Oh, c'est la première fois qu'on dit ça. Là. C'est génial. Il nous reproche. Vous arrêtez de m'écouter. C'est son côté enfant. Ah. Non, mais ça pourrait passer inaperçu, ça que je veux ah, dire. Ben non. Ah, non, non, nous on souligne, on souligne. Qui a dit, et ce sera pour Christian Michaud, attention, elle est très dure celle-là. Ah. Et c'est dans le. Ça va, d'accord. C'est dans le Loir-et-Cher. Il habite Blois, monsieur Michaud. Il espère un chèque. La jument de Michaud et son petit poulain ont tous les deux très hauts dans le foin. La jument de Michaud et son petit poulain sont entrés dans le pré, ont mangé tout le foin. L'hiver viendra, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repartira. L'hiver viendra, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repartira. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup, le renard chanter. Bon, voilà, alors écoutez, la citation après. Après ce magnifique cœur des enfants à la gueule de bois. Voici la citation. Qui a dit « L'expérience, c'est ce fruit tardif, le seul qui mûrisse sans devenir doux. » Oh, c'est chiant. Oh, c'est chiant, ça. C'est Roland Barthes. Quelqu'un qui n'aime pas vieillir. Ça sent le poète, ça. Bon, c'est quelqu'un qui est décédé. Alors là, effectivement, on a affaire, si ce n'est un poète, en tout cas, un grand écrivain, poète, critique littéraire, essayiste, journaliste, nouvelliste, tout ça en même temps. Tout mort, ça. Mort. Oh là là. Alors, bien mort. Bien mort. Du 19e siècle, donc. Alors, écoutez, du 19e, même alors, vraiment, il n'a pas vu le 20e. Il est mort en 1889. D'accord. Il avait 80 printemps à ce moment-là. Donc, il a fait tout le siècle. Il a fait quasiment français. Tout le 19e siècle. Il est français. Ah, il était bien français. Il est mort d'ailleurs, je vais vous le dire, à Paris, mais il était né à Saint-Sauveur-le-Vicomte en Basse-Normandie. On le lit à l'école. Maupassant, en même temps. Maupassant, non. Est-ce qu'on le lit poète. À l'école. Il était poète. Il était poète aussi, monsieur Bourdieu. On le lit à l'école. On le. Oh non, non. Non, non. Ah non. On connaît son nom quand même un peu ou pas? Ah oui, oui. Ses œuvres, oui, oui. Flaubert. Flaubert, non, non. Il était surnommé le connétable des lettres. Connétable, c'est les sardines, ça, non? Il avait une particule. Les macros, peut-être. Alors, il avait une particule, oui, exact. Ah. Il a été, voilà, à la fois romancier, poète, critique littéraire, journaliste, dandy, polémiste. Bah, Alfred de Vigny. Henri de Régnier. Henri de Régnier, non. Alfred de Vigny, non. Est-ce qu'il a donné son nom à une rue? Ah oui, il y a des rues qui portent son nom et même des lycées. Est-ce qu'il est connu pour sa sexualité? Oh non, non. Janson de Sailly. Janson de Sailly, bah, non. Bah non, la sexualité. De Lamartine. Lamartine, non. Goncourt. Non. Il a écrit un essai sur le dandysme et Georges Brumel, vous voyez. Alors attendez. Il y a combien de syllabes? Il y en a un que je vois, mais... Henri de Monterland? Non. Oh bah non, pas au 19e siècle. Il a écrit... Non, écoutez, non, Roselyne, c'est facile de ne rien proposer, de critiquer les autres. Je crois même que Claude Sarraut, la seule fois où elle est... connue de son vivant, l'a bien connue. Non, mais la seule fois où elle est tournée au cinéma, c'était dans un film adapté d'une œuvre de cet écrivain français. Il faut trouver l'œuvre. Barbet d'Aurevilly. Et c'est Jules Barbet d'Aurevilly. J'ai failli le dire. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et le livre en question, c'était Une vieille maîtresse. Jusqu'à 18h. Les grosses têtes sur RTL. Si le canapé, je le mettais plutôt ici et la table comme ça. Du coup, l'étagère, je la mettrais là et la lampe ici. Voilà. Il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez IKEA. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. À condition de tout rentrer dans le coffre. IKEA. Dans la limite des stocks disponibles. Voici François de Nantes qui vient d'apprendre qu'à chaque match des Bleus, le PMU met en jeu une super tirelire quintet plus des Bleus de 10 millions d'euros. Une aubaine pour ceux qui miseront sur les bons chevaux. 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions, 10 millions. C'est vrai qu'il a l'air content, François. Vous aussi, jouez au Paris Hippique et tentez de gagner la super tirelire des Bleus de 10 millions d'euros du quintet plus. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Ah, quel beau match, Lionel! Ah oui, bon tir et c'est le... La mer biscoute spécial frais! Il doit filer. Aujourd'hui et demain, les 20 chipolatas ou 20 merguez origine France sont à 3,49€ chez Netto. Quelle belle alerte discount, Lionel! Netto, le discounter qui fait la différence. Soit 1 kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. RTL. La bourse en direct sur RTL en partenariat avec les Échos et Investir. Nous retrouvons Sylvie Aubert. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Isabelle. Alors le Brexit a provoqué la débâcle sur les marchés. Eh oui, je suis encore vivante, mais c'était chaud aujourd'hui. Hein. Alors, un véritable vendredi noir, sans équivalent depuis Lehman Brothers en 2008 aux États-Unis. Les places financières, qui toutes, sans exception, avaient joué le maintien dans l'Union, ont clairement été prises à contre-pied aujourd'hui. Premier marché à plonger ce matin, Tokyo. Moins 8%. Le CAC 40 est passé un moment sous les 4000 points après un plongeon de 11%. Mais à l'instant, l'indice ne cède plus que 8%, 4111 points. Alors c'est très très violent, c'est sûr, mais on ne parle pas de crack. Rappelons que le marché parisien venait quand même de gagner 6,5% en 5 séances, ce qui était d'ailleurs relativement étonnant d'avoir vendu à ce point la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et les autres places européennes ? Eh bien, à Francfort, le DAX abandonne 6%, mais très curieusement, la City de Londres ne perd que 2,3%, tout comme le Dow Jones à Wall Street. Alors, sur le marché d'échange, là, c'était un peu plus sanglant. La livre a touché au plus fort de la tempête 1,32 $. C'était un plus bas depuis le mois de septembre 1985. Alors, du côté des valeurs, eh bien, ce sont bien sûr les bancaires qui ont été les plus malmenés. La Société Générale perd 20%, BNP Paribas 17%. Parmi les autres valeurs qu'on appelle les valeurs Brexit, c'est-à-dire assez exposées à la Grande-Bretagne, il y a bien sûr Groupe Eurotunnel, moins 14%. Et plus surprenant, Peugeot. Peugeot abandonne 18%. Le constructeur est assez exposé à la livre. Alors, ne cherchez pas de rescapés en dehors de Biomérieux et Eutelsat, qui gagnent toutes les deux 1%, parce qu'il n'y a pas d'autres rescapés. Alors, sur la semaine, eh bien, grâce à la hausse des 4 premiers jours, l'indice parisien ne perd qu'1%. On pourrait presque dire, mais il ne s'est rien passé cette semaine, finalement, sur les marchés financiers. Alors, concernant les valeurs, sur 5 séances, on a des hausses. Essilor, Pernod, Sanofi, par exemple, progressent de plus de 4%. Et toujours sur la semaine, eh bien, la lanterne rouge, je vous en parlais à l'instant, c'est effectivement Société Générale qui perd 12%. Très bon week-end Isabelle, on se retrouve lundi. Avec grand plaisir, c'est lui à lundi. RTL, première radio de France. Allez, on bouge la matière grise. RTL. Mais qui est l'invité mystère ? Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous vous portez bien ? Merveilleusement bien. Alors, on est très contents pour vous. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. C'est parti. Avez-vous les cheveux longs ? Non. Est-ce que vous faites pipi debout ? Oui, monsieur. Oui. Donc, vous êtes monsieur, a priori. Un homme. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux ? Absolument. Est-ce que vous êtes brun ? Oui. Vous avez donc encore des cheveux ? Absolument. Oui. Est-ce que vous avez des enfants ? Oui. Combien ? Deux. Deux. Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui suscite l'hilarité de nos contemporains ? Plutôt, oui. Ah. Plutôt bon vivant, hein ? Plutôt sympathique. Ah. Mais c'est pas son métier de faire... Ah, si, vous faites rire aussi, hein ? Oui, oui, c'est mon métier. Vous êtes à la scène ? Je fais de la scène. Est-ce que vous êtes un garçon sportif ? Absolument pas. Ça se voit, vous ne l'êtes pas ? Oui, ça se voit. Ça, c'est sympathique comme question. Ouais. Est-ce que on vous voit parfois dans la presse People, à votre insu ? Jamais. Jamais. Ah bon, vous avez de la chance ? Vous vous cachez beaucoup ? Non, pas vraiment. Est-ce que votre épouse, si vous êtes mariée, fait le même métier que vous ? Non, elle m'assiste. M'assiste contre les géants, c'est un peu comme ça. Alors... Vous faites rire. Ben... C'est pas jeune, ça. Vous faites rire. On a les références qu'on peut. Mais alors, si vous connaissez, on doit avoir le même âge à peu près. Est-ce que vos enfants sont petits ? Non. Non, ils sont grands. Grands, ils sont déjà mariés. Il y en a un des deux qui est marié. Florian Gazan propose Eric Antoine. Êtes-vous le magicien Eric Antoine ? Non. Est-ce que vous êtes grand-père ? Oui, depuis peu. Ah oui, Il est grand-père. Un jeune papy. Il a une voix jeune quand même. Ah ouais. Bah là, elle est un peu. Il y a des jeunes grands-pères, hein, vous savez. Oui, donc je sais. Tu n'es pas obligé d'avoir 90 ans pour être grand-père aujourd'hui. Certainement. Est-ce que vous avez déjà reçu des prix, enfin, à part à l'école ? Non. Est-ce que votre voix est importante dans votre métier ? Oui, elle sert beaucoup. Est-ce qu'on pourrait avoir un indice, chef ? Bien sûr, monsieur. Merci. Oui, donc notre Berthier, Berthier d'Henri. Oui, c'est le Berthier de tous ceux qui n'ont pas pris de Berthier. Notre Berthier, Berthier d'Henri. Oui, c'est le Berthier de tous ceux qui n'ont pas pris de Berthier. Berthier, oui, nous avons pris le Berthier. De tous ceux qui n'ont pas pris de Berthier. De prendre la tête d'un Berthier. Berthier d'Henri. Oui, c'est le Berthier. Un peu comme un Berthier. De tous ceux qui n'ont pas pris de Berthier. Notre Berthier. Un Berthier placé au-dessus des Berthiers. C'est le Berthier de tous ceux qui n'ont pas pris de Berthier. Notre Berthier. Berthier d'Henri. Francis Blanche et Pierre Dac qui chantent le Parti d'en rire. C'est le premier indice. Ça vous va, ça, comme indice invité mystère ? Oui, tout à fait. Ce sont des maîtres. Est-ce que vous êtes lié à la politique d'une manière ou d'une autre ? Non, absolument pas. Est-ce que vous êtes lié à la ruralité ? Est-ce que vous êtes Sylvestre ? Non, pas que je sache. L'humour que vous pratiquez, c'est plutôt un humour qui se moque des genres, par exemple des rapports hommes-femmes ou pas du tout ? C'est pas l'essentiel. Non, pas spécialement. Est-ce que vous êtes plutôt chic ? Vous êtes plutôt en costume ? Non, c'est pas mon genre, je suis assez décontracté. D'accord. Est-ce que vous avez appartenu à une troupe ? Ah oui. Est-ce que vous participez ou vous avez participé à une émission de télévision ? Oui. Tiens, d'ailleurs, voici un indice qui va le confirmer. Ça vous rappelle quelque chose, Jean-Jacques Perroni ? Ah oui, c'est le théâtre de Bouvard. Eh oui, le théâtre de Bouvard. Donc on était ensemble ? Pas exactement. Vous avez déjà fait partie des grosses têtes ? Non. J'y étais invité. J'y étais, genre, invité. N'en dites pas trop. Votre humour est connu surtout pour des jeux de mots ? Pour l'utilisation de la langue française, enfin des oui. Ah oui, la langue française, c'est ma passion. Quand vous avez répondu oui sur une émission de télé, c'est celle dont on a entendu le générique ou vous avez travaillé à la télévision ensuite ? J'ai fait aussi de la télévision par ailleurs, mais cette émission, c'est celle que j'ai faite le plus longtemps. D'accord. Voici un autre indice musical. Perpignan, moi j'étais dans les yeux, de la gare jusqu'à Saint-Mathieu, et c'est le Castillet qui garde mon cœur. Perpignan, j'ai chanté dans tes rues, j'ai embrassé tes filles perdues, et j'en ai passé des nuits dans ta chaleur. Trop facile, ça. Dans ta chaleur. Perpignan. Trop facile. Oh bah trop facile, non. N'exagérez pas. Il faut que mes grosses têtes vous connaissent quand même pour vous d'origine de Perpignan. Parce que moi, le humoriste perpignanais que je connais, il peut pas dire, il est pas grand-père, donc je suis embêté. C'est qui? Mathieu Madénian. Mathieu Madénian. Bah, proposez, on sait jamais. Il est pas de Perpignan, il est d'un petit village à côté. Ah bah vous voyez, en plus. Voilà, on en apprend. Est-ce que là. Vous avez déjà été invité toute une journée sur le canapé de Michel Drucker? Non. Vous êtes trop intellectuel pour ça. Moi, je demande. Il ne connaît même pas, je crois. Est-ce que vous ne vous connaît pas? Ah, il vous connaît pas, oui, c'est mais, ça. Mais vous êtes connu un peu quand même. Oui, un petit peu, mais on s'est croisé deux, trois fois. Voici un troisième indice. Mais que veux-tu que pour amuser ton mouton, pour abuser ton mouton, je t'expose la vue de ma vie, la vie de ma butte. Si tu préfères que je sue, que je cesse, juste le temps d'une minette, d'une minute. Réfléchissez bien, on revient dans un instant après la pub. Ne bougez pas, Laurent Ruquier et les grosses têtes reviennent dans un instant sur RTL. Avec Pierre qui court de rayon en rayon. Oui, ce sont les soldes chez Decathlon et il en profite. Randonnée, fitness, basket et j'en passe, il y a des petits prix pour tous les sports. Attention, Pierre sort du magasin essoufflé mais heureux. Oh, belle performance ! Decathlon, à fond la forme. Soldes selon date légale du département sur produits signalés en magasin ou sur decathlon.fr. Avant, l'été sans Chris, ça ressemblait à ça. Chaud ! Qui veut des choux ? Choux ! Mais ça, c'était avant. Chouchou ! Qui veut des chouchous ? Des bons chouchous ! Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux. Jusqu'au 2 août, pour tout achat d'une paire de lunettes de soleil, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, je suis chez Lidl là. Dis quoi encore ? T'as pas la pêche ? Ah c'est ça. Par contre ici ils ont la nectarine. Hein. Je dois rigoler peut-être là. Oh non, désolé, mais quand aujourd'hui et demain, ils nous font la barquette d'un kilo de nectarine origine France à 1,69€, le moral en prend un coup. 1,69€ la barquette d'un kilo de nectarine. Ah pour le coup, ça vaut le coup. Ah si vous faites de la pub pour Lidl, patron, là on est mal. Hein. Ah on est très mal, je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 1,69€ le kilo, catégorie 1, calibre 56-61, chair jaune ou blanche selon magasin, origine France. RTL. Retour aux indices de Laurent Ruquier. RTL. Devinez qui est l'invité mystère. Mais j'ai revêtu que pour amuser ton bout, pour abuser ton mouton, je t'expose la vue de ma vie, la vie de ma butte. Si tu préfères que je sue, que je cesse, juste le temps d'une minette, d'une minute. Fais-moi donc un pompier, fais-moi donc un papier, Marion. Comment s'appelle cette chanson, invité mystère ? Le titre comporte une contre-bête, mais ça s'appelle Bluette en dente. Bluette en dente. Mais attendez, c'est pas vous qu'on a entendu, là ? Non, ça, c'est Marcel Philippot. Mais vous êtes sûr que vous êtes vivant ? Ça, c'est une bonne question. Il est bien vivant, il va le prouver quand il va nous rejoindre dans un instant. Vous faites des one-man shows sur scène, c'est ça ? Oui. Avec des traits d'humour basés sur le français, ses jeux et tout ça. Et vous êtes français ? Je suis français. Florian Gazan propose Laurent Gamelon, c'est pas bête. Ça vous fait rire, mais vous n'êtes pas Laurent Gamelon. Mais attendez, vous avez dit, vous avez parlé de Marcel Philippot, qui était avec moi au théâtre de Bouvard, et vous, il était avec vous aussi quand vous y étiez. Oui, dans cette séquence précisément, on m'entend aussi. Est-ce que vous avez tourné au cinéma? Non, j'ai juste fait un téléfilm dans les années 80. Éric Beaugrand propose. Roselyne Beaugrand. Ça va vraiment plus du tout. Il y a un problème de prénom. Non, là, c'est parce que Laurent, il y a un vrai problème. Mais non, mais c'est parce que vous avez proposé Éric Thomas. Voilà. Oui. Christophe Beaugrand propose Éric Thomas. Non, ça va pas aujourd'hui. Je suis désolé, mais c'est pas ça. Je vais côtoyer également, mais ce n'est pas moi. Vous n'êtes pas Éric Thomas. Oh là, je suis désolé, on vous trouve pas, monsieur. Je suis vraiment très embêté. Mais non. Mais non, parce que l'émission va finir, on va peut-être même pas le voir, le monsieur. J'ai très peur. Il est frustré. Écoutez cet indice suivant. Ah, ça c'est un bon indice, un indice musical évidemment. Bravo, Florian Gazan, lui, a identifié notre invité mystère grâce à cet indice, j'imagine. Et peut-être... non, Christophe Beaugrand propose Jean-François Derek. Je sais pas, moi. Ah bah oui, je suis paumé. Mais non, mais mince. Il est pas de Perpignan. Mais c'est pas si bête, Jean-François Derek. Mais non, ce n'est pas Jean-François Derek. Il est quand même très fort, Gazan. Il faut le dire. Et oui, il a reconnu le générique dont va se gêner l'émission qu'on a animée pendant des années sur Europe 1 avant de rejoindre ici RTL, les grosses têtes. Mais c'est vrai que vous êtes venu ici aussi chez Philippe Bouvard de temps en temps chanter, je crois. Oui, j'étais... Non, par téléphone, voilà, j'ai chanté par téléphone. Pardon. Chanter par téléphone, ça devrait aider Jean-Jacques Perroni. Chanter par téléphone. Vous voyez, au moins, vous pouvez... C'est Claude François. Il a une moustache. Roselyne Bachelot. Claude François n'est pas vivant. Je veux bien qu'EDF ait fait une panne hier soir, mais de là à faire revivre Claude François. Moi, j'aimerais bien. Alors, attention, vous avez trouvé Beaugrand ou pas? C'est bon. Ah, on va avoir excuse-moi, j'ai mis un peu de temps. Deux mais c'est bon. Grosses têtes je qui vont évidemment. Vous l'aimez beaucoup? Mais oui, c'est mon ami Facebook, on se parle de temps en temps. Ah, vous voyez. Et on connaît sa femme aussi qui chantait avec nous de temps en temps. Exactement. Ah, bah non, c'est pas ça, je me suis gouré. Qu'est-ce que vous avez à faire? Eh bien, alors Christophe Beaugrand et Florian Gazan, je comptais un peu sur vous et aussi sur Perroni. Ouf. Je suis pas sûr, évidemment, que Karine Lemarchand, Roselyne Bachelot ou Grishka Bogdanov, qui de toute façon s'est totalement endormi. C'est Igor. Hein. Il est sur Mars, là. C'est pas grave, que ce soit là ou l'autre, peu importe. On n'entend pas. Alors, alors, attention, notre invité mystère, c'est Serge Liadeau. Serge Liadeau. Jusqu'à 18h, les grosses têtes. Laurent Ruquier. Sur RTL. Chérie, mes valises sont prêtes. Tes valises? Mais on part qu'un week-end. Bah, une pour mes affaires et une pour le shopping. Pendant les soldes sur mesbagages.com, il y a jusqu'à moins 60% sur des milliers d'articles. J'ai pas pu me retenir. Mesbagages.com, c'est plus de 15 000 bagages de grandes marques au meilleur prix livrables en 24 heures. Avec mesbagages.com, vous ne serez pas déçus du voyage. Voir conditions sur le site. Disney et Pixar présentent Le Monde de Dory. Retrouvez Dory, Marin et Nemo. Dory, bonjour, j'ai perdu ma famille. Où les as-tu vus pour la dernière fois? J'ai oublié. Dans une aventure inoubliable que Dory va sans doute oublier. Je me suis souvenu de quelque chose. Il était question d'un crabe ou... Non, d'une huître. Non. Un truc? Non plus. Le Monde de Dory, actuellement au cinéma. Avec RTL. Le jeudi 23 et vendredi 24 juin, Leader Price frappe encore plus fort sur les prix. Le kilo de pêche blanche est au prix imbattable de 1,49€. Oui, vous avez bien entendu, seulement 1,49€ le kilo. À ce prix-là, vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Et c'est uniquement chez Leader Price. Pêche blanche catégorie 1, calibre 61-67mm, origine France. Liste des magasins participants sur www.leaderprice.fr. Leader Price, le choix malin pour vivre bien. Vous le savez peut-être, c'est le grand retour du Schmilblick sur le site leschmilblick.fr. Toute cette semaine, vous avez pu retrouver ce grand jeu mythique et essayer de découvrir le Schmilblick avec nous grâce aux indices dévoilés sur RTL. Et c'est madame Ginette Madeleine qui a découvert le Schmilblick, un ballon. Elle gagne 3000 euros, dont 500 euros qu'elle a décidé de reverser à l'association Passeport Avenir. Encore bravo, madame Madeleine, et rendez-vous dès maintenant sur leschmilblick.fr pour continuez à jouer et à vous divertir. RTL, les grosses têtes, Laurent Ruquier. Et toute l'info tout à l'heure à 18h avec RTL Soir présenté par Bernard Poiret. Ses invités à 18h20, Yves Berton, ciné-directeur de l'Institut Jacques Delors. 18h35, Bruno Le Maire, candidat à la primaire de la droite, député Les Républicains de l'heure. Et puis Nicolas Bay, secrétaire général du Front National, eurodéputé. Et puis également Benoît Hamon, député des Yvelines, ancien ministre pour l'heure. Nous retrouvons Laurent Ruquier, ses grosses têtes et l'invité mystère. Serge Liadeau était bien notre invité mystère. Vous avez failli... Vous avez failli rester invité mystère longtemps. Et en plus, c'est le week-end, vous seriez resté jusqu'à lundi. Hein. J'avais légèrement modifié ma voix. Non, mais c'est vrai que tout le monde vous connaît pas encore, ah Serge, malgré cette longue carrière. C'est vrai. Pardon de vous rappeler ça, mais c'est vrai que Roselyne Bachelot vous connaît peut-être parce qu'elle vous a entendu, mais de là à retenir votre nom, ce métier est très compliqué. Il suffit qu'on s'absente un peu et pouf, on vous a oublié. Et c'est vrai pour tout le monde. On peut connaître mon nom et ne pas savoir l'orthographier aussi. Et l'inverse aussi. Et Karine Le Marchand, vous avez peut-être entendu sur Europe 1. Jamais pendant 15 ans quand même. Les chansons qui se ressemblent. Pourtant, et tout dans, ça, dans mes bêtisiers sur Europe, elle était souvent présente. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ah, je suis désolée. Ah oui, voyez. Florian Gazan, vous avez trouvé grâce à quoi? Bah, je sais pas, ça m'est revenu sur d'abord le générique de l'émission et puis Perpignan, oui, bah, forcément. Après, l'accent de Perpignan. Oui. Il faut dire que Serge Liadeau est spécialiste d'abord des plagiats, c'est-à-dire non pas lui parce qu'il plagie les autres, mais parce qu'il sait dénoncer quand quelqu'un copie. Quelqu'un d'autre. Il y a des plagiats récents que vous avez remarqué, monsieur Liadeau? Bah, il y en a un dont on parle beaucoup dans l'actualité, ce sont les Led Zeppelin qui ont été accusés d'avoir plagié un titre, c'était Taurus par Spirit, ou l'inverse, mais en fait, moi je m'étais prononcé, c'est un article qui est sorti dans l'Obs, où j'avais dit qu'on peut pas accuser de plagiat un enchaînement harmonique, c'est surtout dans la mélodie qu'on détecte les plagiats. Parce que vous êtes un vrai spécialiste de la musique, quand même, il faut le dire, et de la chanson, et vous savez repérer, d'ailleurs Francis Blanche, c'est aussi pour ça qu'il y avait premier indice, Francis Blanche a été le premier à faire cette rubrique où il dénonçait les chanteurs qui copiaient les autres chanteurs. C'est vrai, mais à cette époque-là, on n'avait pas le secours de l'informatique pour pouvoir superposer les chansons, ce que j'ai souvent fait à vos côtés. Mais alors, il faut le dire, votre autre spécialité, c'est ce qui vous amène ici aujourd'hui, parce que j'avais envie qu'on propose aux auditeurs de RTL cette séquence-là, comme on l'a fait parfois sur une autre station, parce que ça m'a toujours énormément fait rire. Votre autre spécialité, et j'ignorais d'ailleurs, mais vous la faites aussi sur scène, cette spécialité. Oui, grâce ça à vous. De sexuel, je le dis d'avance. Avec ses moustaches, c'est dommage. Mais cette spécialité, ce sont les hallucinations auditives. Ah, j'adore. Ah, c'est génial. Vous savez ce que c'est, Jean-Jacques Perroni, les hallucinations auditives? C'est extraordinaire. Alors, est-ce que vous pouvez, alors on va le laisser faire, évidemment, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les hallucinations auditives? Oui, bien sûr. Les hallucinations auditives, c'est ce phénomène inexplicable qui se produit quand on écoute une chanson généralement étrangère et qu'on croit distinguer des bouts de phrases en français. Cela a commencé par cette drôle d'impression que ma radio était envahie par d'étranges créatures. Il y avait Elton John qui disait « Ça sent le WC ». J'adore. C'est drôle. Le plus bizarre, c'est qu'à ce moment-là, il y a Alice Cooper qui a répondu « Ça peut pas être ma chienne parce qu'elle a fait caca dans la forêt ». Pendant ce temps, les copains préparaient le pique-nique. Nolwenn Leroy avait confectionné des quiches et des navets, 10 mouillettes et la loyau. Ce pauvre Sting, à qui les autres reprochaient de s'être taillé la moitié d'une quiche pour lui tout seul, se défendait comme il pouvait. Ah, mon opinel a dû mal couper. Olivia Newton-John reniflait les sandwichs d'un air méfiant. Si ça se trouve, là-dedans, il y a du chien, du poulet. Qu'est-ce que c'est drôle. Les filles qui tenaient la buvette cherchaient une idée pour arrondir leurs bénéfices. Qu'allons-nous vendre? Ouais, la tarte aux pralines. Ou alors, pour varier, tarte aux pommes. De leur côté, les Daft Punk étaient furieux parce qu'il n'y avait pas de cadeau dans leurs œufs au chocolat. Saloperie. Saloperie de Kinder Surprise. Plus loin, il était question de greffe d'organes. J'ai même entendu Zaz s'énerver. Donnez-moi un clitoris, je n'en veux pas. Le chanteur du groupe Scorpion avait décidé de faire bande à part, et pour cause, il avait peur d'incommoder ses camarades. Ce soir, j'ai les pieds qui puent. Ce soir, j'ai les pieds qui puent. Alors là, ça n'est trop. Je me réveille et je me redresse sur mon transat. À ce moment-là, je vois Joe, le jardinier portugais, en train de ramasser les feuilles avec sa pelle. C'est vrai, Joe rentre ses feuilles et il me dit « Assoir, il fait chaud là !» Joe rentre ses feuilles et il me dit « Assoir, il fait chaud là !» Joe rentre ses feuilles et il me dit « Assoir, il fait chaud là !» N'empêche qu'il a raison, Joe. Il faut pas rester en plein soleil quand il fait un tel cagnard. Depuis, je prends mes précautions et ça va quand même un petit peu mieux. Tout juste si de temps en temps, je le reconnais quand j'écoute les disques de Ray Charles, j'ai la bizarre impression qu'il répète tout le temps « J'ai des puces aux couilles ». Ça prouve tout simplement qu'on n'en est jamais vraiment guéri de ces hallucinations auditives. Alors faites attention, mes amis, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous aussi, vous êtes contaminés. Et désormais, pour vous tous, le cauchemar a déjà commencé. Serge Liadeau. Et ben voilà. Excellent. Ça méritait bien, ça méritait bien qu'on invite Serge Liadeau comme invité mystère. Bah heureusement qu'on l'a trouvé, parce qu'on serait passé à côté de c'est dommage. Ah oui. Ah non, mais ça me fait toujours tellement rire, ces hallucinations auditives. Alors, vous en avez évidemment toute une collection, il faut dire. J'en ai un stock de 730 à peu près. 730. Et sur scène, vous les faites maintenant. Alors, Don Camillo. Au Don Camillo, absolument. Et puis, dans les cafés-théâtres, les divers cafés-théâtres où je me produis. Alors, Au Don Camillo, c'est à Paris, rue des Saints-Pères, où vous y êtes tous les soirs ou régulièrement? Presque tous les soirs, disons, 4 fois par semaine. Alors, presque tous les soirs, au Don Camillo, 10 rue des Saints-Pères. Et puis, vous serez en tournée avec votre spectacle « Serge Liadeau se mêle de ce qui ne le regarde pas », un spectacle que vous avez créé au Forum Léo Ferré à Ivry en mars dernier. Oui. Et vous serez en Suisse en septembre, en octobre au Théâtre Portail Sud à Chartres. Il y aura le Bazar à Libourne un peu plus tard, et puis la Baie des Singes, Orléans, Livry-Gargan, Brive, la Gaillarde. Et de temps en temps, vous allez au Théâtre des Deux Ânes aussi quand même. Oui, alors le Théâtre des Deux Ânes m'a demandé de collaborer à l'écriture d'un bouquin relatant... Enfin voilà, c'est le 100e anniversaire du Théâtre des Deux Ânes qu'on va fêter à la rentrée. Avec Jacques Maillot, évidemment. Avec Jacques Maillot et toute l'équipe. Et c'est vrai que j'ai souvent fait partie du programme. Et donc, je suis conseiller éditorial sur ce bouquin qui va sortir donc à la rentrée. On en reparlera. Et vous serez sur France 3, si vous voulez voir en vrai Serge Liadeau, le 12 juillet prochain, sur l'émission Village Départ, sur une étape du Tour de France. Mmh. C'est sur France 3 ou France 2? Je ne me rappelle pas. France 3. France 3, vous trompez pas, parce que déjà qu'on vous voit pas beaucoup, si vous trompez de chaîne. Mais c'est très bien. Qu'on ne connaisse pas trop, c'est bien comme ça. On rit, on découvre mes sketchs la première fois. Vous nous avez beaucoup fait rire, en tout cas. Bravo. Merci, bravo, Serge Liadeau, et bravo. À demain, 16h, pour d'autres grosses têtes. RTL. Première radio de France. Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors. AD.fr, devis en ligne. Eh oui, plus besoin de sortir pour aller chez AD. Sur AD.fr, faites votre devis et prenez rendez-vous pour toutes les prestations auto et toutes les marques de véhicules. Avec AD, préparez la route de l'été. AD. 2000 garages, carrosserie et devis en ligne. RTL 18h. RTL Soir. Le 18h, édition spéciale. Julien Cellier, Bernard Poirette. Bonsoir à toutes et à tous. Jusqu'à 20h sur RTL, donc édition spéciale d'information consacrée pour l'essentiel au Brexit, approuvé à presque 52% par les électeurs britanniques. Dans 4 mois, David Cameron ne sera plus Premier ministre et au-delà, l'Union européenne ne comptera plus que 27 membres, voire moins si par effet de contagion, d'autres États suivaient l'exemple anglais. Voici la première édition de RTL Soir. À la présentation, Julien Cellier. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le rêve européen est-il mort? En tout cas, cauchemar pour François Hollande et Angela Merkel ce soir, désormais orphelins du Royaume-Uni. C'est un choix douloureux et je le regrette profondément pour le Royaume-Uni et pour l'Europe. C'est un coup porté à l'Europe et au processus d'unification de l'Europe. Alors l'Europe vit-elle une crise sans précédent ? Dans un instant, l'analyse d'Alain Duhamel. Le Royaume-Uni aussi est peut-être en train d'exploser. Dans cette édition spéciale, nous visiterons les fiefs du Out, où l'on fête un Independence Day. Et puis nous nous rendrons en Écosse et en Irlande du Nord, deux nations qui ne voulaient pas d'un Brexit. À suivre aussi les conséquences de cette rupture sur notre échiquier politique. Conseil des ministres extraordinaire cet après-midi. Débat sans vote à l'Assemblée mardi. Et puis les conséquences sur le dossier hautement sensible de Calais. Faut-il, oui ou non, replacer la frontière de l'autre côté de la Manche ? Quatre invités d'ici 19h pour cette spéciale Brexit. 18h20, Yves Bertoncini, le directeur de l'Institut Jacques Delors. Pas de politique avec lui, mais en quelque sorte, le Brexit pour les nuls. Toutes les conséquences pratiques du vote britannique pour eux et pour nous, bien entendu. Après 18h30 et successivement, Bruno Le Maire, député Les Républicains de l'Eure et candidat à la primaire de la droite, il est pro-européen, mais pro-référendum, pour ou contre aussi. Nicolas Bay, l'eurodéputé et secrétaire général du Front National, qui rêve de voir la France comme l'Angleterre quitter l'Union européenne. Et il y aura aussi Benoît Hamon, ancien ministre et député socialiste des Yvelines, bien entendu de 19h15 à 20h. On refait le monde spécial Brexit avec les polémistes. Et puis à la une également dans RTL Soir, après deux mois de baisse, le chômage qui repart à la hausse. Les chiffres viennent de tomber, plus 0,3% en mai. Enfin, J-2 avant France-Irlande, 8e de finale de l'Euro. Et puis il y a vous également, Patricia Charbonnier, dans le programme. Bonsoir Patricia. Bonsoir. Cette nuit et demain, nous allons avoir sur l'ensemble du pays un temps très orageux. Oui, avec une nouvelle dégradation orageuse. Et encore une fois, ces orages seront localement puissants avec de la grêle, beaucoup de pluie, de fortes rafales de vent. Résultat, ce soir, 31 départements sont placés en vigilance orange entre les Pyrénées, le Massif central et le Nord-Est. Donc demain, temps encore pluvieux et orageux, en particulier sur le quart Nord-Est du pays. Ailleurs, ce sera plus calme, quelques éclaircies, du grand soleil sur la côte atlantique et près de la Méditerranée, mais avec des températures en baisse. Elles varieront demain après-midi de 18 à 33 degrés. Merci Patricia, à tout à l'heure. RTL Soir, édition spéciale. Un divorce brutal, donc. L'Europe plonge dans l'inconnu après la victoire du Brexit au Royaume-Uni. Le camp du Brexit a obtenu près de 52% des voix. Référendum fatal pour David Cameron. Dès ce matin, le Premier ministre a annoncé sa démission d'ici octobre. Je ferai tout mon possible en tant que Premier ministre pour tenir le gouvernail dans les mois à venir. Mais je ne pense pas être le mieux placé pour être le capitaine du navire britannique jusqu'à sa prochaine destination. Après des semaines de campagne hystérique et malgré l'assassinat de la députée pro-Europe Jo Cox, les partisans d'une sortie de l'UE ont donc gagné, minoritaire à Londres. Ils ont raflé la mise en milieu rural et périurbain. Marie Billon, vous êtes à Romford pour RTL, dans la grande banlieue de la capitale, commune où le Out a été plébiscité et où ce 24 juin 2016 est perçu comme un Independence Day. Sur la rue principale de Romford, le soleil brille, les terrasses des pubs sont remplies depuis le début de l'après-midi. Ils sont très nombreux à célébrer, comme vous l'avez dit, ce qu'ils appellent le jour de l'indépendance. Je bois quelques bières et je n'arrête pas de sourire. C'est un jour fantastique pour l'Angleterre et toute la Grande-Bretagne. Je vais pouvoir conserver mon identité. Je ne suis pas européen, je suis anglais. Trevor est aussi en train de lever son verre à la santé d'un Royaume-Uni hors de lieu avec quelques amis. Mais la vraie fête, ce sera ce soir. On va se faire un super barbecue. J'invite une quarantaine de personnes chez moi. Je suis aux anges. C'est merveilleux. Oui, au début, ça va être dur, mais au moins, on ne sera plus gouverné par des gens que nous ne connaissons pas à Bruxelles. Si la météo est clémente, Peter et ses amis n'excluent pas de poursuivre les célébrations pendant tout le week-end. Marie Billon à Romford, commune pro-Brexit pour RTL. Plus que jamais ce soir, le Royaume semble désuni. Anglais et Gallois ont voté pour le Brexit. En revanche, Écosse